enregistrement. Ah, je suis meilleur. Voilà, là c'est bon. Là, vous... là, là, Eric, tu peux reprendre ton truc pendant que moi je gère. 110. Mais là, là puisqu'il y a plein de gens qui écoutent, la bagarre, je remets ça en circonstance. Donc, comme je ne t'ai jamais vu, je te demandais d'ouvrir ta caméra et tu m'as demandé que je te décrive. Que ça, ça pourrait être drôle de voir comment tu m'imaginais. Et voilà. Donc, comme je disais, ta voix, je m'attendais à ce que tu aies une voix beaucoup plus, un peu plus rauque que ça. J'ai l'impression que t'es pas très grande, probablement. Les cheveux blonds, t'as essayé, t'as pas aimé, donc maintenant t'as une repousse brune parce que t'es une brunette. Tu portes des lunettes probablement un petit peu trop grandes avec le tour de la lunette est mince. Mm-hmm. Tu portes une queue de cheval et probablement un jeans et tu t'habilles plutôt grunge. C'est l'idée que j'avais. Pas très grande, un petit peu costaude, là, peut-être un peu bourrue. Trapu. Ouais. On va être copains, hein. Eh bien, attends, par contre, on peut déjà noter quelque chose. Ça veut donc déjà te dire qu'il ne te suit pas sur les réseaux et qu'il voit pas ce que tu fais. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Déjà, c'est pas terrible, ça, déjà. C'est... Non. Un début de... Eh ben, écoute, t'as quasiment raison sur tout, hein. Elle est énorme. C'est vrai. C'était que... Énorme. Voilà. Du coup, c'est le moment d'allumer la cam. C'est le moment d'allumer la cam. S'il vous plaît. Allez. Hey J'avais tout bon. Ouais, tout bon, ouais. Ouais, bon. Bah ouais, c'est une recoloration. Ça, ouais. Ça pouvait, hein, ça pouvait. Attends, faut que j'enlève ce truc derrière. Ouais, ouais. Voilà. Ça, c'est déjà mieux. Continuez de parler, hein, moi, je m'amuse. Hein. Mais du coup, trapu. Trapu, hein. Ouais. Trapu. Tu sembles pas, en tout cas, d'ici, tu sembles pas être trapu. Non. Mais trapu au féminin, on dirait que tu trapuses. Trapuse, effectivement. Trapuse, ça passe. Et sinon, alors pour le coup, pas très grande, ça je te l'accorde. Ouais, je suis pas non plus. Si, t'es ridicule. C'est ridicule. Non, et alors commence pas parce que sinon, toi, je vais te mêler. Mais t'es. Bah, pas aujourd'hui en tout cas, mais t'es ridiculement. Non, mais t'inquiète. Non, mais t'es pas très grande. Il faut arrêter. Non, je suis pas très grande, mais t'as pas besoin d'en rajouter. Non, mais c'est pas pour juger. T'es d'une taille acceptable, on va dire. Acceptable. Mais non, mais je veux dire, quand je te parle, je me fais pas trop mal au cou. Donc ça va. Tu peux. On continue, hein. J'en profite. C'est vrai que là, tu peux quand même profiter parce que tu sais très bien que je vais pas te goumer là. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Et déjà, excusez-moi. Par contre, du coup, je prends des notes. En parlant de personnes qui méritent de mourir, on en parle de Tonaï sur le dernier épisode. Non, parce que. Alors, par contre, moi aussi, j'ai écouté. Alors, Eric ne sait sûrement pas parce qu'Eric n'est pas à jour. Mais Tonaï a fait, comme souvent, une petite dinguerie. Mais il faisait que s'enfoncer d'ailleurs. Mais oui, mais pourtant on lui disait. Il s'expliquait c'était. On essayait de lui dire, mais non, ça va. Et puis je l'ai raccompagné après en voiture. Elle me disait, bah, mais je sais pas, on peut plus rien dire. Moi j'ai dit des trucs et tout. J'ai dit, non, c'est la manière dont tu l'as dit, mec. C'est vraiment la manière dont tu l'as dit. Mais bon, c'est Tonaï, ça fait son charme. Arrêtez. Ouais. Bon, après, il est sympa, c'est un frérot. En gros, il a un peu défini un groupe féminin de par leur physique. La boulette. Ah, faut pas. Ben, c'est très au goût du jour en 2025 de faire ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Putain, je comprends pas pourquoi j'ai un cadre de merde autour. Là, je vous ai agrandi, donc là, on est pas mal. Mais il y a juste un contour chelou de merde. Mais peut-être qu'on se voit pas en fait sur le live. Peut-être qu'on le voit pas ce truc. C'est comment sur le live? L'image, elle est. Ça m'a l'air ok. Bon, bah, c'est bien. Moi, ça me semble ok. Bon, bah, c'est bien. Déjà, on peut peut-être commencer par un truc pas mal. Bonsoir, vous, parce que moi, je suis arrivé, je me suis déjà fait insulter à moitié, j'ai pas eu le temps de dire bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va? Bonsoir. Ça va, vous? Ça va bien. C'est quoi ce format téléphone que t'as pris, Eric, là? C'est parce que je suis sur mon téléphone à la maison. C'est un bon argument. Puis je risque de me déplacer tout à l'heure, fait que je vais pouvoir transporter la conversation avec moi. Tu vas nous faire un live IRL? C'est incroyable. Ah, du Bulcor en haut. Enfin, il y a du Bulcor. Je vois, parce que la bagarre, attention, elle va faire du Bulcor. On n'entend rien. Quoi? Ah, Ah, je te jure. Bon, en gros, tu prends un verre d'eau, prends une paille, tu fais des bulles, c'est du bulle corps. Voilà, c'est une blague à la bagarre. C'est une très bonne blague. Moi, je l'avais validée. Pourquoi, Nico, t'as pas de lumière chez toi? Fin du mois? Pourquoi j'ai pas de lumière? Bon, on ne voit pas bien. Hein. T'es sombre, mec. Ah ouais? Bah écoute, bah, regarde, disons. Moi, je suis bien éclairé. La bagarre est bien éclairée. C'est vrai que je suis vachement plus sombre. Eric, il est bien éclairé. Nico, en fait, il est pas très bien éclairé. C'est parce que t'as pas de lumière derrière toi. Derrière toi, t'aurais une petite lumière, je pense que ça ferait la diff. Ah, il y a Eustache qui dit on va lancer un hashtag je suis tonaille. Pas tant. Pas tant. pas tant. Je sais même pas s'il est au courant, d'ailleurs, il pourrait venir en live. Je vais lui envoyer un SMS. Oh, je l'appelle. Ça va lui faire plaisir. Mais je t'en prie. Parce que comme ça, il va entendre la fameuse musique de The Prayer. Il va être. Bon, en même temps, il est 22h, je vais peut-être pas l'appeler, juste lui envoyer un message. Mais il est en vacances. Il est en vacances. Eh ben, tu sais quoi? Ben, bizarrement, ça change un truc. La petite lumière. Ah! C'est la lumière de Pixar. Et surtout, il aura sa belle sonnerie. On est en live si tu veux venir voir. Alors, du coup, pour les gens et pour vous, pendant qu'on règle ça. Non, mais tu peux régler les trucs en live. C'est le concept de cette idée, vu qu'on n'a pas de concept. On n'a pas vraiment prévu de choses. Et tout le monde va dire, tu n'as pas vraiment prévu de choses. C'est parce qu'il faut bien un responsable, donc ce sera moi. L'idée étant qu'on était tous d'accord pour, ça serait trop bien de faire un truc où on discute. Sans vraiment, pas forcément un sujet, pas forcément un truc. Genre, excuse-moi, parce qu'il y a la violence qui est là, qui nous dit c'est prayer sans eux. C'est déjà pas bien. Alors si on peut pas rajouter the à prayer, on va pas normalement. Bon, oui, c'est vrai que c'est ma DA de pas préparer de trucs. Sauf que là, c'est vraiment pas préparé. D'habitude, il y a toujours un minimum de trucs. Je fais au moins un habillage, un truc, un nom, un quelque chose. Que là, on a juste. Alors moi, j'ai juste proposé une petite idée vite fait aux gens et chacun y a été un petit peu de son. Oui, pourquoi pas. Mais je croyais que. Est-ce que tu crois pas que. Ah, j'ai failli mettre Nico sous le bus avec la fameuse phrase du. Tu crois pas que cracher sur un festival. Mais je me suis dit. Oh, j'ai pas emmené Nico là-dessus. Oui, il a pas entendu, c'est nickel. Et donc, ce que j'étais en train de. Non, rien. Pourquoi? Quoi? Non? De quoi? Tu as vraiment obligé à réécouter? Non, j'étais en train de faire, à référence à la petite phrase que t'avais eue, genre, est-ce que t'as pas de mal à cracher sur un festival? Mais j'ai pas été au bout de la phrase. J'ai pas été au bout de ce truc. Donc dans l'idée, en fait, il y a eu plusieurs idées autour d'une thématique. Était un petit peu dans l'idée, c'est pourquoi aujourd'hui on irait dans un festival ou pourquoi on arrêterait d'y aller. Donc forcément, il y a eu dans l'idée de tout le monde, il y a un peu l'idée du Hellfest qui devient un petit peu le festival à aller ou retourner, qui devient une espèce d'incontournable. Mais il y a aussi le reste. Et donc le sujet de la discussion était un petit peu aujourd'hui, vous, pourquoi vous allez à un festival? Et pourquoi vous arrêtez d'aller un, ou pourquoi vous avez envie d'arrêter? Donc c'est une espèce de grand truc de aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que, parce que j'ai l'impression que ça soit pour nous quatre qu'avons un peu, on n'est pas tous de la même génération, ça joue à quelques années, on sait tous que la bagarre est la plus âgée ici, après il y a Eric, après il y a moi et après il y a Nico, mais que quoi? Ça va, oui. Mais t'es hyper bien conservé. Mais... non mais vraiment, tu commences. Non mais alors, non. C'est sûrement moi la plus jeune. Non, c'est pas toi. Là, c'est pas toi, non, je sais, ça va, c'est bon. Je sais que c'est pas moi. C'est Tonaille qui déteint sur Jack, c'est ça qui arrive. Non. C'est terrible. Mais pourquoi j'ai pas dit que c'était grave qu'elle soit vieille? J'ai juste dit que c'était la plus âgée. Je n'ai pas dit que c'était un problème. Je l'ai dit qu'elle se conservait bien. C'est vrai. Ouais. Bah, je trouve, ça va, franchement. Ouais, continue, t'étais comme Tonaille, tu t'enfonces. Ouais, mais c'est moi, sauf que moi je le fais un peu exprès. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est tous arrivés à un moment donné où soit, si on prend l'exemple du Hellfest, on hésite à y retourner ou on a envie de passer à autre chose. Et pourtant, ça continue d'être le festival où on veut aller. Et on regarde aussi un peu à droite, à gauche, ce qui se passe. Mais c'est plus. J'ai l'impression que quelque part, la programmation n'est plus forcément le seul point qui va nous faire aller quelque part. Et qu'il peut y avoir d'autres raisons. Soit parce qu'un festival va être trop cher ou plus cher, soit parce qu'on va y retrouver des gens, soit parce qu'on a envie d'autre chose. Et donc, c'est un peu de tout ça que j'avais envie de discuter avec vous. Sans forcément qu'il y ait d'ordre, sans forcément qu'il y ait de logique ou de différents trucs. C'est un petit peu ad-lib, comme nous a dit ce très cher Eric, qui va pouvoir nous amener toute son expertise canadienne sur le sujet. Je sais pas si on peut... Ouais, puis surtout que j'ai pas juste fait le Hellfest. J'ai quand même plusieurs festivals différents sous la cravate, là, à commencer par Woodstock en 94, en passant par le Rockfest, le Hellfest, festival également aux États-Unis sur un bateau. Ouais, ouais. Mais, ah oui, le 7,8 tonnes. Jack, ouais, C'est ça, le 7,8 tonnes. Pardon. Tu as fait le 7,8 tonnes sur l'eau. On l'a. Ouais, c'est ça. J'ai fait le 7,8 tonnes. Mais tu vois, l'affiche d'un festival, elle est importante si tout ce que tu attends du festival, c'est d'aller découvrir de la musique. Si tu es un mélomane et que pour toi, il n'y a que la musique qui est importante, l'affiche est en haut de ta liste et là, ben, tu as des bonnes chances d'être déçu. Mais si un festival, pour toi, c'est une expérience d'un week-end, d'une journée, parce que ça peut être un festival d'une journée, et c'est d'aller vivre une expérience avec des gens qui partagent avec toi des valeurs, qui partagent la musique, ben là, l'affiche devient secondaire. Et pour moi, 70 000 tonnes, parce qu'on en parlait, est un exemple, parce que les deux années où je suis allé, c'est pas l'affiche qui a fait que j'ai eu un beau festival, parce qu'il y avait deux ou trois groupes sur 60 que j'avais envie de voir. Mais l'expérience de ce festival-là a fait que j'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais, mais encore une fois, en plus, 70 000 tonnes, c'est un exemple qui est particulier parce que tu as été la première fois en découverte et tu y es retourné pour une autre raison que tu as failli déjà faire en solo et au final, ça s'est transformé en, où tu as pu retrouver ton binôme de Marc-André. Mais c'était déjà plus la même chose pour moi la deuxième fois. C'était autre chose. Oui, non, c'est différent, mais je reviens avec la raison pour laquelle on va à un festival. Pour moi, il y a deux raisons. On y va pour des groupes ou on y va pour... Ah, ça coupe un peu, ça coupe un peu chez toi. Ça a coupé, on n'a pas entendu tes deux raisons. Ni ta première, ni tout ce que j'ai dit depuis le début. Depuis le début, je ne savais même pas que tu étais en live, moi, perso. Je savais pas. ce que je dis, c'est que il y a deux raisons d'aller en festival. Ça, je l'avais. Deux raisons, on l'avait. Simplement la musique. Oui. Simplement la musique et que la musique. Mm-hmm. Ou que tu vas rencontrer l'expérience que tu vas vivre dans ce festival-là. Ah. Dans le cadre de 70 000 tonnes, pour moi, les affiches, je ne me serais pas déplacé pour les affiches de 70 000 tonnes, mais l'expérience de ce festival-là, que ça, même si l'affiche pour moi est ordinaire, un beau festival, ça a été le fun. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, au moins, parce qu'il y a aussi ce truc-là, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux âges qu'on a réussi à atteindre, est-ce que justement, ça n'a pas changé comparé à avant, justement, ou quand tu étais plus jeune, ou qu'on regardait justement directement l'affiche, et c'est l'affiche qui venait nous décider d'aller à tel ou tel endroit. Ça a peut-être un peu changé. Tu vois, juste... Oui, je pense que tu as raison. Je pense que oui. Même en festival, mon état d'esprit a changé en festival également. C'est ce que je disais tout à l'heure à Nico et la bagarre. Nico et moi, on s'est croisés en 2023 dans le VIP au Hellfest. Mmh. On a discuté. On n'a pas skippé un band, skippé un show et prendre une heure, s'asseoir. Parce que c'est pas en se croisant deux minutes. Je suis heureux de te voir. On se revoit tout à l'heure. Bye bye. On peut dire qu'on a partagé. Ouais, non, mais ça, c'est ça. Et encore une fois, si la musique, c'est ce qu'il y a de plus important pour toi, cette rencontre à l'improviste avec Nico est pas importante. Mais si l'expérience et le plaisir d'être au festival avec les gens est importante, là, ben, j'ai raté une occasion. Après, ça peut être un peu les deux aussi, hein, parce que moi, je sais que je t'ai entendu dire tout à l'heure, j'avais pas connecté mon micro, mais j'étais arrivé quand tu racontais qu'on avait passé qu'un concert ensemble. Et c'est vrai qu'en fait, ça s'est retrouvé. Parce que des fois, on a manqué de préparation. Tu vois, j'ai donné l'exemple quand on est avec la bagarre ou le reste de toute la team RTH, on est à peu près 6 ou 8, 10, je ne sais plus combien on est exactement. Et attends, alors il y a bagarre qui compte. 2, 3, 4, 8 ? 8, ouais. Ouais, 8. Et en fait, on s'est retrouvés, comme on est une espèce de petit groupe ensemble, en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'on se retrouvait à plein de moments différents et on partait différents binômes à chaque fois en fait. Des fois j'étais avec la bagarre, des fois j'étais avec la violence, des fois j'étais avec Tonight, des fois j'étais avec Bob. À chaque fois, en fait, ça se partageait, ce qui faisait qu'on se retrouvait plein de moments différents et on se retrouvait après le soir ou même à des endroits juste pour se retrouver. On se faisait des points de relais et c'est ça qu'on a malheureusement pas aussi fait avec toi, Eric, ou même avec Nico à ce moment-là. C'est qu'on a pas géré ce truc-là de cette manière-là et on est un peu passé à côté de ces moments où on n'a fait que de se croiser fugacement parce qu'on s'était vu en dehors de certains concerts. Eric, on s'était croisé derrière la vallée à un moment donné. Et en fait, c'était ça, c'est un peu des expériences manquées. Merci en tout cas pour ce premier retour, Eric. La bagarre, ton avis à toi sur ça aujourd'hui, toi, quand tu vas en festival? Ben là, si je devais rebondir à ce qu'il disait. Aussi, tu peux. Autant... Oui. Mais disons que, alors, pour le coup, j'ai pas fait autant de festivals que qu'Eric. En tout cas, en termes c'est de métal. C'est pas le même âge. Oui, d'accord. Mais j'aurais pu aller à d'autres trucs. Mais elle est plus vieille que moi, tu disais. Oui, pardon. Ouais, ah, mince, ouais. Ça marche pas alors. Mais non, en fait, j'ai fait que le Hellfest en termes de festival de métal. Et autant les deux, trois premières années, c'est vrai que j'ai accordé énormément d'importance. Enfin, je dirais même les deux premières années, en fait. Vraiment de l'importance à l'affiche et au groupe. Et sauf que après, avec le temps, les groupes et l'affiche a commencé à prendre moins de place dans ma décision pour sur le fait de revenir, parce que tout ce qu'il y a à côté, ben en fait, ça pèse dans la balance. Donc les potes, les moments, les moments de rigolade, ouais, de bagarre, des choses comme ça, font que bah du coup maintenant j'y vais. Quand je prends ma place pour le Hellfest, les groupes c'est secondaire, c'est du bonus en fait. Mais c'est du bon bonus par contre. Après j'avoue que si au niveau des groupes qui passent, il y a pas grand chose, ça pourrait me faire réfléchir sur ma venue. Si j'y vais juste pour un ou deux groupes, là, je sais pas, je vais me poser des questions, mais ça va me faire chier, par contre, de pas venir. Parce que je retrouverai pas cette ambiance. Et comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment... pour moi, c'est des vraies vacances. C'est mon cadeau de Noël. C'est le moment que j'attends toute l'année. Donc, pour moi, c'est super important. Mais avec le temps, les groupes ont pris moins d'importance. En tout cas, l'affiche. Ouais, mais là, t'as bien, tu cites le Hellfest et c'est cool. Mais quand tu regardes, t'avais regardé le Motok, tu t'avais hésité à y aller un peu. Ouais. T'avais aussi regardé un peu, si je me trompe pas, l'affiche de l'Extreme Fest. Donc tu vois, là, c'était carrément plus l'affiche qui te donnait envie d'y aller. Oui, ça me donnait envie d'y aller, mais après, il y a tout un à côté qui fait que je sais pas. C'est toujours, je me pose des questions. Comme je le dis à chaque fois, je suis nana solo qui va en festival. Et l'air de rien, le Hellfest, à l'heure actuelle, m'apporte un certain confort, une certaine sécurité que j'ai pas l'impression de pouvoir retrouver ailleurs. Regarde, t'as vu la sécurité? Donc, regarde. Ouais, la gueule de la sécurité, s'il vous plaît. Bah, ça fait fuir, hein. Ça fait fuir n'importe quelle menace, hein, je te le dis, moi. ou pas peur, ou ça fait pas peur. Non, ça fait pas peur, ça fait fuir. C'était d'ailleurs petit aparté hier, il y avait une espèce de remember après la fin du podcast où que ça soit Bob, Parsi ou Tonaï se rappelaient la première fois qu'ils m'ont rencontré, c'était que des trucs négatifs. Vraiment le premier retour était vraiment lui je l'ai pas blairé, lui franchement j'ai pas pu le sentir, enfin tous. Je comprends pas les gens, franchement je comprends pas les gens. Mais bon, c'est pas grave. La vérité, hein. Vraiment, la première fois que je t'ai vu, je me suis dit, c'est qui ce connard? Normalement, c'est de là que démarrent les meilleures amitiés. C'est mon autre délire. Je venais de poser mes affaires dans ma tente. Le mec, il est à côté de ma tente et je les vois faire, hey, salut, la voisine! Super sympa. Allez. Super sympa. Ah, super. Moi, sauvage de base, un mec qui me parle là, et au camping, je viens à peine de poser mes affaires, mais laisse-moi tranquille. Elle s'est dit, oh putain, le week-end de merde, ça va être horrible. Ouais, c'est ça. Sauf que le soir même, je me bourrais la gueule avec vous. Hein. Bon, bref. Parce qu'on est cool. C'est pas bien. Parce qu'on est cool. et toi, Nico, c'est quoi ton avis? Parce que toi, en plus, en tant que. Bah, c'est vrai qu'on l'a pas dit parce qu'Eric aussi, il a ce côté média, mais le côté média maintenant te fait peut-être aussi choisir les concerts et festivals différemment. Alors. Moi, j'aurais tendance, tu vois, à mettre quand même encore beaucoup d'importance sur l'affiche d'un festival pour me décider à y aller. Je pense que je suis encore sur bien 75-25, tu vois, l'affiche a de l'importance pour moi. Mais c'est aussi ma façon de consommer le festival et je pense que là, on peut rejoindre un peu ce que disait Eric dès le début, de tout dépend comment t'y vas, pourquoi t'y vas. Mais tu vois, moi, le premier festival que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait seul. Et j'ai fait les deux jours seul, et ça m'a pas dérangé parce qu'en fait, j'allais de concert en concert et je prenais du plaisir à voir ces concerts. Aujourd'hui, effectivement, le Hellfest, c'est le festival sur lequel je vais le plus souvent et où on se retrouve, on se croise et où on va entre amis. Donc effectivement, il y a un côté très cool d'avoir justement les amis avec lesquels partager tous les moments à côté. mais il y a mais j'aurais toujours quand même du mal, tu vois, à lâcher des concerts entiers pour juste pour avoir des moments de convivialité, parce que vraiment j'ai ce côté de c'est l'occasion de voir des groupes que je reverrai pas peut-être jamais ou peut-être que dans longtemps, donc j'ai envie de voir le maximum de choses. Ouais, mais après ça dépend peut-être des groupes, parce que moi par exemple je suis un peu comme toi, j'ai un peu du mal à lâcher, mais autant il y a des groupes où je vais me dire non là je peux pas, c'est mort, je rate pas. Mm-hmm. Mais il y en a d'autres où je vais me les être mis sur ma liste, mais si je les vois pas je me dis bon bah puis c'est pas grave. Ouais. Je suis avec mes potes, je rigole, c'est pas grave. Moi ça m'arrive, ça m'est arrivé, mais c'est fois. Ça mais tu vois, en fait, la façon dont Road to Hellfest prépare son running order en disant « ce band-là, c'est un immanquable ». Donc, Nico, même si je te croise au moment de ce groupe-là, je ne manquerai pas non plus. Mais au moment où c'est plus ou moins un immanquable, c'est la deuxième fois que je les verrai ou la troisième, ben là, ça se peut qu'au lieu d'aller au festival, au lieu d'aller au spectacle, que je préfère prendre une heure avec toi. Puis pour moi, c'est là où il y a une différence, parce que je suis d'accord. Tu peux pas aller en festival pour seulement payer 500 balles pour t'asseoir et ouais. prendre une bière avec des amis pendant 3 jours. Ah ben clairement, je préfère t'inviter dans mon salon pendant 3 jours dans ces cas-là. Mais c'est ça, tu sais, il faut trouver quelque chose d'autre, mais. Je pense que c'est là où il faut faire une distinction entre ce qu'on ne veut pas manquer, absolument pas manquer, et ce qui est manquable. Attends, Nico, j'ai une petite question. Est-ce que vous êtes comme moi et vous avez Nico, son son est un peu trop fort? Pas. C'est que moi. J'ai baissé sur Discord, donc après. Ah, t'as baissé sur Discord? Ouais. Est-ce que moi, mais tu l'as baissé lui? On peut baisser Nico sur Discord? Tu peux baisser n'importe qui. Hein. Moi, je peux même te mute. Bah, mais ça serait un peu con. Ah oui, je peux baisser. Ouais, non, c'est bon, je baisse un petit peu. Tu l'as mis à combien? 75, 80, 80, c'est bien. Vas-y, parle Nico, parce que t'as une grosse voix qui ressortait un peu trop pour moi. Ah, attends. Ah, là, ça marche là ou pas? Alors là, j'étais un peu trop baissé. Je vais te monter à 80. À 90, vas-y. Encore? Oui. Ouais, c'est pas mal. Hein. Est-ce que tu m'entends ou est-ce que tu m'entends pas? Non, je t'entendais trop bien. Oui, j'ai compris. C'est juste que je parlais dans le vide et que je savais pas quoi te raconter. Et c'est un peu le problème de mon égo. Je supporte pas qu'on entende plus les gens que moi. Étonnant, ça. Ouais, je sais. Surprise. Par contre, Nico, je te rejoins parce que moi aussi j'ai fait des premiers festivals en solo. Et dans ce cas-là, quand t'es solo, t'as pas le choix non plus. Et en plus, t'es là que pour de la musique. Mais en fait, il y a aussi ce côté où t'es malheureusement ou pas, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis malheureusement, mais où t'es plus jeune que nous. Et donc, t'as peut-être pas atteint ce moment-là où tu te rends compte que. Parce que moi, ça m'est arrivé de rater des groupes, comme je l'ai dit il y a pas très longtemps, dans la chronique de Russian Circle, ils étaient vraiment en train de jouer là. Et en fait, je me suis retrouvé à discuter avec Nico, un autre Nico, et la discussion était tellement sympa et cool en fait que je me suis dit tant pis, j'écoute le groupe de loin. J'avais vachement envie de le voir et je me suis dit tant pis parce que le moment était là. Et ça nous est arrivé plusieurs fois qu'on soit au Easy Camp ou pas, où on est posé par exemple, on est ensemble, il y a une connerie qui démarre et puis il y en a qui disent je devais aller voir tel groupe et puis allez, fuck it, on verra, on ira au prochain et on arrive à se mettre d'accord. En fait, on a besoin d'au moins 2 personnes qui se motivent pour s'entraîner à partir des fois. Parce que sinon, c'est compliqué. Mais il y a eu plein de moments où on va à un concert, on se retrouve et tout ça. Mais c'est une autre expérience. Et j'ai l'impression que je rejoins complètement la bagarre dans le sens où moi-même, c'est le constat que j'avais fait à la fin du dernier Hellfest, où je me rends compte qu'aujourd'hui, les festivals, quand tu y vas pour 2-3 jours, il faut qu'il y ait une autre plus-value que juste la musique. Parce que ça va dire que techniquement, ça suffit plus en fait. Il y a tellement de moments humains, de gens que tu vas croiser à tel ou tel endroit, et de trucs à vivre, autres que juste la musique. De toute manière, tu pourras pas avoir tous les groupes. Donc déjà, c'est un crève-cœur de base. Donc, autant prendre ce qu'il y a à prendre, et le côté humain, ça devient le moment où on se retrouve une fois par an. Et c'est sûr que ça va être un rendez-vous annuel où celui-là, il va être à cet endroit-là. Mais j'ai dit le Hellfest, mais demain, on en a déjà parlé entre nous, ça pourrait très bien être le Grass Pop, ça pourrait être un autre événement. En fait, c'est même plus l'endroit, on va être motivé par se retrouver à un endroit où il y a une affiche forcément qui va plaire à la plus grande partie, mais ça devient presque secondaire dans le truc. C'est le truc qui va nous accompagner en fait. Alors qu'avant, c'était justement les gens qui allaient nous accompagner à des concerts. Donc c'était un peu une variante pour moi dans le truc. Après, il y a aussi autre chose, c'est que quand tu vas dans un fest en mode marathon, je vais bouffer du concert toute la journée, tout le temps. Et enfin, tu profites plus au bout d'un moment. Tu n'apprécies plus les concerts réellement. Alors, juste valeur, je trouve. Nico n'est pas d'accord. Enfin, moi, je sais que je l'ai fait la première année. Au bout d'un moment, c'est trop, quoi. Tu arrives à la fin, je suis assez d'accord avec ça. Tu profites pas. Je suis d'accord avec ça, hein. Je l'ai fait beaucoup dans mes débuts où je passais même, je regardais une ou deux chansons d'un groupe, j'allais en voir un, j'arrivais à voir les trois slots en fait. Je voyais pas en entier, mais je voyais les trois slots en fait et je bouffais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un ou deux ans après, quand on reparlait d'un des groupes, nous, aucun souvenir. J'étais aucun souvenir. Alors, ouais, c'est vrai. Alors qu'il y a des moments qu'on a passé ensemble à des concerts où tu t'en souviens encore parce qu'il s'est passé. Trop de trucs qu'on a pu partager et rigoler ensemble, donc c'est pas la même expérience, mais elles sont pas forcément incompatibles, mais je trouve qu'aujourd'hui les choses ont changé aussi. Ah, et il y a la violence qui nous dit faut s'organiser des pauses obligatoires, sinon on meurt. Mais c'est vrai, hein. Les siestes. Non mais ouais, mais en fait, on s'organise des pauses. C'est le bonheur du festival de ne pas savoir où on s'en va, un peu comme notre discussion d'aujourd'hui. T'arrives le matin et tu vas où le vent te pousse. Tu prépares rien. C'est quoi ce titre? moi, je pense que c'est ça qui est le fun. C'est de dire, bon, on tourne à gauche, puis on verra où ça nous mène. Quelques moments importants, comme je disais tantôt, parce que tu veux absolument aller voir ce spectacle-là pour peu importe ta raison personnelle. Mais je crois que maintenant, de se dire, je veux absolument voir ce band-là parce que c'est peut-être ma dernière chance de le voir. Il est sur l'affiche de tel festival. Ben, je vous rappelle que Judas Priest roule depuis déjà 40 ans et ils sont à peu près à tous les festivals, à chaque été, on les revoit toujours. Je pense qu'il y a une époque où il y avait peu de festivals. Ce moment-là de pouvoir voir certains groupes qui passaient pas dans notre région, ben c'était ce moment idéal-là. Mais aujourd'hui, des festivals, il y en a plein. À la limite, je vous dirais qu'il y en a plus que des tournées de bands solo. Là. Oui. C'est vrai. Après, il reste toujours la même chose, parce que ça, c'est un truc qui arrive assez peu dans une discussion. Mais en fait, la programmation, c'est rare. Tu vas te fier souvent aux grosses têtes d'affiche et aux noms que tu connais. Donc c'est celles-là en fait qui vont venir t'emporter. On a déjà eu plusieurs fois cette discussion, que ce soit même entre nous, on est toujours, on peut toujours être plus ou moins d'accord. Mais c'est comme toi, tu m'as déjà dit Eric que c'était les grosses têtes d'affiche qui faisaient vendre le truc et venir les gens. Et en fait, au final, c'est vraiment moi ce que je regarde plus en fait parce que ça m'intéresse pas. Ça c'est plus un truc vendeur, mais le problème c'est que j'ai regardé des petits noms et en fait soit je vais avoir des petits noms ou des noms moyens que je connais qui eux vont me donner envie, soit va falloir que j'aille faire le curieux pour voir. Donc la programmation elle joue en fait un rôle un peu bâtard, je trouve, justement de ce côté-là, parce que soit tu vas aller vers un truc que tu connais et que t'as envie de voir. Quoi? Il y a de l'écho apparemment. T'as de l'écho. Qui a de l'écho? Ah ben non. Quoi? Mais j'ai rien touché, j'ai rien bougé. Qu'est-ce que vous me faites? Je sais pas. Oh, il y a un écho. Oh. Ça, c'est de l'immersion. Ah ouais, mais il y a un truc qui a changé, mais j'ai touché à rien. C'est fou. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que l'écho venait de moi, peut-être? Dites-moi. Nous sommes. Moi? Vite, mon son rigolo, il est où? Non. Ça, c'est de l'immersion? Non. Non, donc ça vient pas de toi. T'as appuyé sur. Mais non, mais j'ai. Non, que moi, mais j'ai touché à rien. Vous êtes fous, j'ai même pas de réverb. Bah, je vais me baisser dans Discord, alors je vais faire comme tout le monde, voilà. Tes écouteurs sont trop forts. Peut-être. Mes écouteurs? Mais j'ai touché à rien, surtout, c'est pas. Je dis pas. c'est pas plutôt de la réverb. Pour avoir de la. Qu'est-ce que. Mais j'ai touché à rien. Débranche la delay. C'est mon travail, moi, dans la vie, hein. Et souvent, c'est les écouteurs qu'on entend qui rentrent dans le micro parce qu'ils sont un petit peu trop forts. Mais comme... Baisse le volume que tu as dans tes oreilles. J'ai pas de volume dans mes oreilles. S'il fait ça, il nous entend plus, il est vieux. Mais non, mais écoutez, moi, techniquement, il a pas tort. Hein. Insupportable, téléportation dans une cathédrale. Tout. Mais non, mais arrêtez de. Je fais pas ça exprès pour qu'on m'entende. c'est pas. Non, attendez. J'ai essayé de trouver un truc. Mais ça connaît le garçon apparemment. Non, mais le truc, c'est que j'ai rien touché. Si je fais ça, c'est quoi que j'enlève là? si je fais ça, il se passe rien normalement. Si je fais ça, il se passe quoi là? On se croirait à la messe. Putain, mais ça, il se passe rien. Rien. Pas de témoin. Parfait. Bon, c'est mieux. Eh bien, ok, nickel, là c'est mieux. Bah, c'est rigolo, alors ce qui s'est passé. Voilà. Par contre, faut que t'enlèves le truc là parce qu'on voit plus. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est trop. Ouais. Parfait. Alors, je vais vous dire ce que j'ai changé. J'ai juste désactivé une autre capture d'audio qui était en dessous, qui était activée avant et que j'ai rien touché. Ah bah bravo. Mais non, mais. Bah merci. Voilà. Qu'est-ce que je disais moi? Oui, que la programmation c'est un truc un peu bâtard et puis je sais plus où j'étais, donc prenez le relais. Voilà. Putain, ça va. Mais je veux revenir sur la programmation et les gens qui me suivent, qui suivent aux portes. Quand je suis allé au Festival Communion au mois d'octobre dernier, je connais zéro groupe, aucun qui sont là. Par contre, ça j'aurais du mal à me rendre dans un festival où je connais aucun groupe, ça je pourrais pas. Mais tu vois, ce que j'allais dire, moi, c'est non plus normalement. Bon, j'y allais parce que c'est des amis, parce que c'était la deuxième édition, parce que ça me fait du contenu. Mais ma préférée du festival, puis vous le voyez, je le dis dans l'épisode, j'ai sauté des bandes et j'ai passé une heure à l'extérieur, parce que c'est un festival intérieur, dans une salle, et j'ai passé une heure à jaser avec du monde. Oui, mais c'est beaucoup plus facile c'est là où parce que tu ne connais pas les groupes. C'est ça. Donc, t'as aucun attrait pour aller les voir. Ouais. Je pense. Mais là, si tout le monde dit, ben moi, je vais pas dans ce grand festival-là pour les têtes d'affiche, j'y vais pour les petits groupes, pour découvrir, c'est pas la même chose. Ouais, mais pour moi, il y a aussi un aspect, si tu vas au Hellfest, souvent tu y vas aussi parce que tu connais le cadre global. Tu vois? Qui fait que effectivement tu peux commencer à mettre l'affiche un peu plus en retrait et les gros groupes un peu plus en retrait dans ta considération parce que tu sais très bien que tu vas avoir des choses à voir un peu partout, que tu as les décors qui sont beaux, tout ça. Et à côté de ça, ben par exemple la bagarre, elle a pas sauté le pas pour aller au Motoc parce que ben il y a pas la même réputation. Et il y a pas la même réputation, puis il y a aussi une question de budget. Je vais au Hellfest, je sors déjà un billet. Je pourrais pas sortir la même pour aller au Motoc. Mais après, c'est vrai que en termes d'orga, comme je sais pas trop ce qu'il en est, j'ose pas encore sauter le pas. C'est vrai je sais pas si en termes de sécurité ça vaut le Hellfest. Je crois pas. Je crois qu'on a un petit peu discuté avec Jack et c'est pas tout à fait pareil. Et pour moi, c'est pas suffisamment sécure. Il y a un truc tout bête. Au Hellfest, on a Lizzy Camp. Pour moi, une nana solo, Lizzy Camp, c'est parfait. Je n'irai jamais sur le camping toute seule. Ça, c'est hors de question. Je ne me vois pas le faire. Moi non plus. Mais faisons attention. Le Hellfest, on est en haut de la pile des organisations de festivals sur la planète. Et j'ai fait des entrevues avec des bands qui en ont fait plusieurs. Puis tout le monde, c'est le Hellfest est en haut de la pile. Donc, vous profitez depuis des années du meilleur festival, la meilleure offre festivalière sur la planète. C'est la question que je me posais aussi, c'est est-ce qu'il y a d'autres choses, enfin d'autres fests qui équivalent, enfin qui sont équivalents en termes d'organisation avec le Hellfest, mais je sais pas. Le Grave Zeppelin, mais presque quoi, presque. presque. Mais honnêtement, la bagarre, j'avais fait des épisodes aussi sur les annonces d'affiches, puis quand je regarde ce qui est offert, par exemple à Alcatraz. Ben, il y a une section qui serait l'équivalent du Easy Camp là-bas. Au Grass Pop, la même chose. Puis je pense qu'il y a plusieurs festivals qui offrent qui ont à peu près la même offre en termes de camping, en termes de bouffe, en termes de sécurité que le Hellfest. Et tu pourrais te retrouver là-bas. Mais fait des installations permanentes du Hellfest, crée une ambiance que les autres ont plus de difficultés à créer. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. C'est vrai. Il y a tout un contexte qui fait que, pour le moment, je me sens bien au Hellfest et c'est ça qui fait aussi que j'y reviens assez facilement. Donc, mais après, c'est vrai que je commence un peu à regarder ailleurs, me poser des questions et je me demande si je ne vais pas tenter le pas l'année prochaine. Mais j'ai toujours ce truc de me dire, bon, est-ce que... Mais là, ça revient un peu qu'on disait tantôt, c'est pour toi, oui, le Hellfest, c'est confortable, mais c'est aussi plein de gens que tu rencontres, que tu rencontres à travers les années, que tu vois une fois par année, ou que c'est un lieu d'événement pour cette année avec des amis proches. Ouais. Et là, le festival ne devient pas seulement que musical, il est vraiment expérience. Ouais, complètement, complètement. C'est vrai que, enfin, je kiffe aller voir mes groupes, mais je kiffe aussi mes moments de conneries à l'Easycamp et ailleurs, quoi. Donc, ouais, non, c'est sûr, ça en fait partie, ça fait pencher la balance, généralement. Voilà. Après, en termes de programmation, il y a aussi une petite différence qui peut jouer, c'est qu'on a, on a tous l'habitude de voir des super procs qui donnent envie. Mais au final, est-ce que justement, c'est pas une erreur d'aller vers ces programmations? Je prends l'exemple, justement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi, le Motoc, ils font une superbe affiche cette année, mais qui est une affiche qui vient juste cocher toutes les cases des groupes et des styles qu'on a envie de voir. Et au final, t'as juste une espèce de grand best-of où tu vas avoir que des dualités entre deux groupes que t'as envie de voir à chaque fois. Et est-ce que c'est vraiment intéressant une affiche comme ça où t'as tout ce que tu veux voir? Comparé à une affiche qui pourrait justement proposer d'autres choses, ce que je n'ai pas forcément l'impression cette année, elle a l'air de proposer que tout ce qu'on a envie de voir habituellement. Elle fait moins surprenante du coup, elle fait hyper belle, mais est-ce qu'aujourd'hui une affiche, ça ne doit pas être aussi un peu différent? Ouais, mais est-ce que tu n'as pas cette réflexion-là parce que tu es un habitué aussi des festivals, des festivals et de faire des Hellfest où justement tu as forcément de la découverte aussi? Je pense que le festivalier moyen a quand même la volonté de voir des gros noms sur une affiche. Bah oui, non, mais c'est aussi ça qui l'a fait qui fait déplacer les gens. Ça, je me demande vraiment. Si demain tu as plus aucun nom au gros nom au Hellfest, je suis pas sûr que ou au Motoc ou à l'Alcatraz ou où vous voulez, je suis pas sûr que les gens continueront à y aller. Non, mais actuellement demandé. Je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait des gros noms. Je dis juste que tout le monde a reconnu à quel point le Motoc avait une superbe affiche cette année. Vraiment, tout le monde a dit c'est trop bien, il y a tout ce que j'ai envie de voir. Mais justement, c'est plutôt moi ce côté-là, le côté il y a tout. S'il y a tout, du coup, est-ce que c'est pas relou quand il y a tout? Alors que si t'as une affiche justement un peu plus clairsemée ou parsemée d'autres groupes, bah tu vas voir ce que t'as envie de voir plus facilement, quoi, que de faire des... Voilà, c'est... Ça dépend de comment tu appréhendes le truc. C'est une piste de discussion. Envie d'aller en fest pour découvrir des groupes, oui, effectivement, là, ça peut être intéressant. Maintenant, si tu veux aller en fest pour voir des groupes que tu écoutes et que tu as l'habitude d'écouter, c'est différent. Ça dépend de dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là, je pense. Ouais, mais ce qui est un peu le placement qu'avait le Download pendant leurs 3 années d'existence. Tu n'avais pas de vraie découverte. Oh si, enfin de vrai, bah ça dépend. Moi par exemple, j'ai découvert Avatar là-bas, mais c'est moi. mais Avatar avait quand même déjà une certaine réputation à l'époque. On était en 2016, hein. Ça que ils étaient pas autant. Ça a commencé. Ils sont quand même venus de Suède pour y jouer, donc c'est qu'ils étaient quand même assez connus, tu vois. Ouais. Après le Download, c'est vraiment une histoire bien particulière, mais. Comparé à ce que tu disais, la bagarre, comme j'ai oublié entre deux, bah, j'ai essayé de meubler jusqu'à ce que je retrouve. Très peu de chances que ça arrive, donc je vais sûrement partir sur autre chose. Mais je pense que, par exemple, là, on est 4 personnes qui avons fait des concerts et des festivals. Je pense que ça arrive plus les moments où tu vas découvrir pendant un festival des groupes. Moi, ça m'arrive plus, hein. Ah si? Ah, moi, jamais, hein. C'est impossible. Eric. Sur 70 000 tonnes, je suis tombé en amour avec au moins 3 bands cette année que je ne connaissais pas. Ouais, mais ils ont annoncé un peu tard. Et en plus, des bands canadiens. Oui, mais ils ont annoncé tard aussi. Ils ont annoncé 60 groupes la veille du départ, quasiment. Tu peux pas comparer. Je suis d'accord, mais je vais prendre Lutaro, par exemple, que j'avais jamais entendu parler, qui sont à leur 2e album. On les a demandés en entrevue parce qu'ils étaient canadiens. On va à leur spectacle et on fait waouh, on prend une claque là. Et on adore ce qu'on entend. J'ai réécouté par la suite. Fait que je crois que c'est possible de découvrir des vraies découvertes en festival, mais je crois pas, pour revenir avec ce que Nico disait, que le mélomane qui veut découvrir festivalier moyen. Le festivalier moyen, il vient pour l'affiche du vendredi parce que son groupe préféré sera là et il va arriver à 3h l'après-midi. Il va prendre 3 pichets. Il sera 3h30 l'après-midi après ses 3 pichets. Et là, il va essayer de profiter de son festival. Ça, c'est le festivalier moyen, ça? Moi, je pense que c'est le festivalier moyen. Bon, alors dans ce cas-là... Regarde, les mecs qui sont venus voir Metallica, enfin, qui venaient pour voir Metallica... Oui, c'est... après, c'est un autre exemple, c'est Metallica. C'est... Oui, d'accord. Et... Mais on peut dire que c'est comme il vient de dire, des festivaliers moyens. C'est-à-dire, ils viennent juste pour voir Metallica. Mais du coup, pour moi, c'est pas des festivaliers, moi. Pour moi, c'est pas des festivaliers. Moi, je les mettrais dans une troisième catégorie. Voilà, justement. En fait, c'est ce que je voulais vous demander. Fan du groupe tête d'affiche. Pour moi, et en fait, les mecs qui vont me planter là et regarder comme ça. Pardon, voilà. Jacques, je te laisse la parole. Non, en fait, j'étais complètement d'accord avec toi, mais juste avant, je voulais dire, dans ce cas, il va falloir catégoriser qu'est-ce qu'il y a comme type de festivalier, parce que pour moi, un festivalier moyen, c'est déjà quelqu'un qui va être averti et qui va un peu plus se renseigner. J'aurais dit limite le festivalier de base ou le touriste qui fait un peu ce que tu dirais, Eric. Mais le Metallica, c'est pour moi, selon moi, un mauvais exemple, parce que comme a dit Nico, ils vont venir. Si tu veux. Waouh, bah là c'est d'autres contre-exemples pour le coup, parce que Chaka Ponk, je suis pas sûr qu'il y ait des festivaliers qui se sont dit ouais, je vais au Hellfest pour voir Chaka Ponk. Moi j'en connais un. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Bah Sylvain. Ah mais c'est pas, bah c'est quoi? C'est un touriste. Ce mec est un touriste. Donc c'est le gars qui... Mais c'est parce que on parle de festival à thème ici. Si vous venez en Amérique du Nord, il y a beaucoup de festivals et on va y aller cet été. On va vous en présenter un, nous. Il y a 190 bands de présenter. Eric, il y a 190 bands sur 11 jours. Attends, Eric, je te trouve trop fort. T'arrives à toujours ramener ça à ce que tu fais. Les groupes que j'ai interviewés, les machins. T'es un professionnel de malade. C'est trop fort, c'est trop fort. Mais ce que je veux dire, c'est que festival où on ira cet été, le Blues Fest, c'est 11 jours de festival, c'est 180 groupes. 11 jours? 11 jours? Mais ça commence à 17h le soir et ça finit à 23h. C'est pas un festival. C'est pas un festival! C'est des soirées de concert. Mais oui! 17h, 23h. Mais t'es même pas fatigué à la fin. C'est nul! Non, ouais. Bah, il faut quand même tenir les 11 jours. Hein. C'était combien? C'est 11 soirées! 11 soirées, c'est pas une journée. Ouais, mais quand même, faut les tenir. C'est... Non, mais par contre, 11 jours, vous allez faire les 11 jours. Oui, ben peut-être qu'on va en esquiver une parce qu'on va aller à un autre festival qui se tient en même temps à Québec pour aller voir Slayer. Ça, c'est classe. Ça, c'est classe, ça. Ça c'est classe. Mais oui, en Amérique du Nord, des festivals sur 11 jours, mais dans ces festivals-là, il y a une journée rap, il y a une journée country, il y a une journée rock, il y a une journée punk, il y a une journée pop, et ainsi de suite. Et là, ben ça, c'est aussi un festival. Ah ouais, mais là, pour le coup, c'est un festival... est-ce qu'il y a vraiment des gens... En fait, du coup, c'est pas vraiment un festival sur 11 jours. C'est plus un festival avec 11 journées à thème. C'est plus... 11 soirées de concert, comme le disait Nico. Oui, pardon. Mais Coachella, je reviens sur Coachella. Coachella, c'est plein de groupes différents, oui. Sur plusieurs scènes différentes, oui. Sur 4 jours. Peut-être. Là, est-ce que quelqu'un qui vient à Coachella viendra pas pour aller voir Green Day, mais peut-être qu'il va venir pour aller voir Chaka Ponk, qui serait là en même temps, mais c'est pas le même genre de musique. Après, oui. Je sais pas si Coachella, c'est vraiment comparable. Enfin, dans le sens où j'ai l'impression que l'image que j'ai de Coachella, peut-être que je me trompe, mais l'idée que j'ai de Coachella, c'est vraiment des gens qui vont pour un peu le côté « m'as-tu vu ?». T'as tout à fait raison. Oui, mais... On peut dire que certains viennent au Hellfest aussi pour ce côté-là en disant je vais au Hellfest parce que c'est cool d'aller au Hellfest. Mais, ouais. Les gens qui, pour moi, n'ont rien écouté avant. Un level supérieur. Ça, c'est les gens certains, qui viennent. Ouais. C'est les gens qui n'ont rien écouté avant et qui débarquent et qui disent oui, bah, j'ai vu, il y a quoi? Il y a Linkin Park. Bon, bah, il y a Muse. Bah, c'est très bien, Muse. On ira voir Muse et que le reste du temps, ils s'en foutent. Ils vagabondent sur le site et tout ça. Mais. C'est le festivalier moyen. Non, mais non. Bon, faut cloisonner. Il va falloir définir un truc. Ouais, il va falloir un truc parce que J'ai un peu un contre-exemple de ce que tu viens de dire avant que tu enchaînes sur définir les festivaliers. Important. Ma compagne qui a fait chaque édition du Hellfest avec moi, l'an dernier, elle a débarqué en ayant quasiment rien écouté des groupes, parce qu'elle n'a pas eu le temps, tout ça. Mais en fait, le simple fait de connaître les lieux, de savoir sous telle scène, il y a à peu près quel style, tout ça, et ben elle a passé un très bon, et plus le côté ami, etc., etc., que Eric mettait en valeur tout à l'heure, et ben en fait, elle a quand même passé un très bon festival, et ça l'a absolument pas dérangé de pas avoir préparé entre guillemets son festival, tu vois. Ouais, mais non, mais là, je pense pas qu'il y a des gens que ça va déranger forcément. Et puis là, en plus, c'est un exemple Mais elle était pas toute seule, elle était avec vous, elle connaissait déjà le Hellfest. Et justement, comme l'a dit Eric, le Hellfest, c'est déjà le summum. Et tu sais que même oui. si tu écoutes pas, tu peux faire confiance aux, jeux, aux gens qui s'occupent de la programmation. Donc là, c'est un peu biaisé. Il aurait fallu que tu me dises un festival que, qu'elle connaissait pas du tout, où tu l'as emmené parce que toi, tu connaissais. Et encore là, elle te faisait confiance. Donc là, c'est pas la, la même chose. Pour moi, c'est, ça rentrait pas dans ce que je voulais dire tout à l'heure, le côté qui se prépare pas, quoi. En général, enfin... Eric nous l'a dit, lui, il y a des groupes qu'il a découverts par hasard et c'était très bien. Mais on l'a tous fait dans, dans des différents festivals ou d'arriver, même de découvrir des premières parties pour des concerts. Donc c'est pas le truc, mais bon. Je voudrais revenir, moi, plutôt sur les 11 jours. Vous allez faire les. Et combien, 11 jours. Combien ça te coûte pour 11 jours? Enfin, 11 soirées. 11 soirées, ben, 11 soirées. On aura l'accréditation média. Allez! Mais. Donc zéro. Mais est-ce que tu sais le prix que ça coûte normalement pour on sort ça coûterait environ si je me trompe pas c'est $380 canadiens pour les 11 jours donc pour les 180 groupes et mais si tu y vas une journée seulement c'est $90. Oh la vache. D'accord. Okay. Donc, cher la journée. Si on fait l'échange en euros, on parle d'environ 60 euros par jour, 65 euros par jour. Ça va. Ça va. Ça va après. Pour une soirée, c'est pour de la country ou du rap, c'est pas non plus. Bon, c'est cher quand même. Hein, faut... C'est-à-dire que t'as vraiment. Mais... C'est des journées à thème complète, quoi. T'as pas de mélange dans une journée. C'est que tac, tac, tac, que du rap. Que ouais, du... ouais, ouais. Ben, en fait, ça, c'est sur la scène principale, mais ça s'appelle le Blues Fest. Sur les petites scènes secondaires, il y a beaucoup de bands de band blues. Mmh. Il y a ça qui est le fun. Mais sur la scène principale, ce thème-là, ce soir-là, c'est country. J'irai voir mon plaisir coupable, Shania Twain, au Blues Fest. Je serai très heureux. Ah bah écoute, y a pas de problème avec ça. On va pas te juger devant toi. On va le faire quand on aura terminé. Dans mon dos. Que dans ton dos. Que dans ton c'est dos. Ça. mais c'est ça. On était au Welcome to Rockville. Dont les épisodes sont disponibles sur YouTube. Là. Vous avez fait un report sur ça, non? Il y a un petit report. Oui, oui. Oui, non, non, mais je veux revenir là-dessus, c'est que Insane Clown Posse qui était là, c'était en même temps, t'avais Linkin Park, t'avais Jelly Roll qui était là, c'était plein. Et après ça, t'avais Motley Crue, il y avait Slaughter to Prevail, il y avait Kerry King, mais il y a des gens qui étaient là cette journée-là. Pour aller voir ce style musical-là. Et eux, on était capable de les reconnaître sur le site. Les touristes. Ça se reconnaît. Les touristes. Les festivaliers, pour moi, c'est des festivaliers moyens. Non! Nous, on est des festivaliers hardcore. Non, on y va pour 3 jours. Il n'y a que 2 types de festivaliers. Moi, ça me semblait. On était un peu plus nombreux pour moi dans ma tête. On va essayer de le faire ensemble. D'accord. Donc, il y a le touriste qui vient, on ne sait pas trop pourquoi, mais il est content d'être là. Grosso merdo. Il va venir voir un affiche ou décor, on va dire. Voilà, il va faire ça. Après, il y aura pour moi le festivalier moyen qui a tendance à revenir régulièrement, mais il est pas forcément connaisseur de tout, mais il s'intéresse et il aime bien les main stage. On peut nommer des gens pour chaque catégorie pour que je visualise bien. Ça va être compliqué parce qu'on va être désagréable à des moments. Bon, on a tous le touriste, Antoine, mais il est pas là pour se défendre, donc tant pis pour lui. En festivalier moyen. C'est celui qui fait plus de photos Instagram sur le week-end qu'il a vu de concert. Non, même pas. Lui, il est pas Instagram. Il est pas. Non. Il est même pas. On le voit pas pendant une journée entière. En fait, c'est pour vous donner un exemple du genre de gars que c'est et qui, moi, m'a rendu fou. Parce que pour moi, c'était complètement débile de faire ça. Enfin, ça n'avait aucun sens. C'est le mec qui, donc, en plus, partageait ma tante. Hein. À un moment donné, il était pas là. On l'a pas vu de la journée. Je lui ai demandé, t'étais où? Il m'a dit, je suis parti prendre l'apéro chez des amis. Il a quitté le site du Hellfest pour aller chez des potes à lui qui habitaient pas loin. Il y est resté toute une après-midi et il est revenu après. Ça, t'es pas au courant. Ça, pour moi, c'est un truc de folie. C'est ça. 150 euros le pass. Ça ne fait. Oui, et comme dirait la violence, il s'est blessé surtout aussi. Mais il s'est blessé sur chaque aponc et j'ai envie de dire, c'est bien fait pour toi. D'ailleurs, excusez-nous les gens du chat, on voit ce que vous dites, hein, on répond pas à tout parce que comme on est en train de discuter entre nous, mais on est avec vous. Je sais pas trop si c'est une bonne formule. Donc on a le festivalier, le touriste, on est d'accord. Pour moi, le festivalier moyen, il est quand même un peu plus que ça. C'est quand même un mec qui vient pas qu'une fois par an dans un festival de type Hellfest, mais parce que ou Coachella ou un autre truc. Il va aller à d'autres concerts dans l'année et après, on va dire peut-être. vous me direz si vous en rajoutez une autre. Et puis il y a ceux qui ont plus l'habitude, qui ont poncé les affiches, qui viennent régulièrement, qui sont, ils savent ce qu'ils vont voir et ils sont, comment dire, plus fans de musique que la moyenne, et ils sont capables de faire la différence entre un groupe de stoner et un groupe de hard rock. Allez, j'ai dit au pif. c'est pas tout à fait pareil en termes de son. Et du coup, il te manque le festivalier occasionnel qui vient juste pour la tête d'affiche parce qu'en fait, c'est un fan du groupe. Ouais, mais pour moi, c'est le touriste, lui. Pour moi, je le mets dans le même lot parce que. Ah non. Ah, t'as raison, oui. Je suis pas d'accord. Parce que c'est le fan hardcore qui a été prêt à payer son billet deux fois plus cher que ce qu'il aurait dépensé pour le voir dans de moins bonnes conditions qu'en concert en salle. Ouais, oui, mais pour moi, il est fan hardcore d'un groupe. Donc, il est quand même touriste sur le principe du festival, tu vois. Il est touriste de festival, mais pas forcément touriste dans la musique. Tu vois. Le festival, il s'en fout. Bah oui, voilà. Donc, il est bien touriste. Tu vois, c'est pour ça que je veux dire, il vient, mais comme si on n'avait rien à faire. Alors, on nous dit, il y a Tito qui nous dit quand même qu'en haut de la pyramide des festivaliers, il y a les auditeurs de RTH. Je suis forcément d'accord avec cette personne. Et la violence qui nous dit. Non, en haut de la pile des touristes, hein, c'est ça? Non, c'est l'inverse. Non, mince, je me suis mal exprimé. Quel dommage. Non, et la violence qui nous dit non, le touriste, il reste au camping picolé. Alors, c'est vrai que c'est un truc qu'on a souvent dit dans nos reports et qu'on a constaté. Il y a des gens, par exemple, au Easy Camp. Toute l'après-midi, ils sont au camping, ils sont dans un coin sur des chaises, ils bronzent et ils ne vont qu'en fin de journée pour voir les têtes d'affiche de Main Stage. Et ils ne font rien d'autre de la journée. Et en vrai, je ne comprends pas non plus ces gens-là. Je ne comprends pas. On peut les mettre dans la catégorie de touristes au final. Bah, c'est pour ça. Donc, est-ce qu'on fait. Ouais, alors on est d'accord sur. Mais peut-on vraiment les juger de la façon dont ils décident de passer leur festival? Et là. Oui. Tu peux dépenser 150 euros pour une journée de festival où tu décides pour toi, ces 150 euros-là, pour le un ou le deux spectacles que tu verras, ça vaut la peine. Et la journée au camping, c'est ton expérience. Oui, je pense qu'on peut pas juger comment on passe le festival. Non, mais ça, c'est parce que t'es un gars de la tolérance pour moi et c'est une erreur déjà. Là où je pense que c'est faussé, en fait. N'importe qui a le droit de prendre son billet pour aller à un festival et de passer sa journée à bronzer, tout ça. Là où on est un peu faussé, c'est que là, on parle surtout du Hellfest, et au Hellfest, il y a tellement de monde qui veut y aller par rapport, et certains qui sont très fans de musique et qui ont pas leur passe chaque année. Tu te dis que ces gens-là ne peuvent pas venir, et pendant ce temps-là, t'as des gens qui viennent pour bronzer sur le camping. Ouais, ce côté-là fait râler. Mais si tu prends la globalité de tous les festivals qui peuvent exister dans le monde, et qui ne sont pas forcément sold out ou pas aussi vite, je suis d'accord que les gens ils font ce qu'ils veulent, c'est leur argent et ils sont là où ils veulent être pour picoler ou pour bronzer. Non, c'est sûr, mais par contre, là, c'est vrai que je te rejoins sur un truc, c'est que qu'est-ce que ça fout la mort quand tu vois des personnes comme ça et tu te dis putain, j'ai des potes qui, eux, ont galéré et qui galèrent et qui n'ont pas leur place. Et t'as ce genre de personnes qui, entre guillemets, prennent la place de quelqu'un qui aurait largement plus profité du festival en lui-même. Ouais, mais en vrai, je suis d'accord avec vous, mais je rejoins aussi Eric dans le sens où c'est compliqué de juger des gens qui viennent et qui ont décidé que leur expérience de festival, ça serait ça. En fait, elle est tellement éloignée de la nôtre que nous, on a du mal peut-être à l'accepter parce qu'on connaît forcément tous quelqu'un qui n'a pas eu son pass et qui a envie de venir. Et que tu vois ça et que tu te dis que c'est gâché, mais en fait, c'est gâché que de notre biais à nous. Leur biais à eux, c'est juste, moi, je me paye mon week-end au Hellfest comme ça, mais c'est là. Toi, comme tu disais tout à l'heure, toi, c'est quand tu vas en festival comme ça, ça va être tes vacances. Eux, leurs vacances, selon moi, mes vacances, ça va être de voir les quatre groupes de soir et point barre. Et en vrai, c'est compliqué. En fait, ça dépend tout simplement de comment tu abordes un festival. Est-ce que tu vas pour t'amuser, vraiment pour voir les groupes, pour passer du temps avec les gens? Ça dépend de comment tu vois la chose. Oui, sauf que en fait. Mais ça n'empêche que ça peut foutre les boules quand même. Ouais, en fait, moi, c'est même pas. En fait, c'est là où je suis d'accord avec toi. Ça dépend de ce que tu viens faire en festival. Le fait de venir pour bronzer dans un festival, c'est ça qui me fait chier moi, en fait. Toi, même s'il venait pas au Festoche pour pas avoir de groupe, mais se reposer entre deux ou passer du temps entre potes. Mais quand tu le vois vraiment en train de bronzer, juste ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres festivals où t'es plus à même de faire ça. Enfin, ou si tu le fais, c'est pas très grave parce que c'est l'ambiance du fest. Mais là, c'est toi qui mets un jugement de valeur. Oui, sûrement, sûrement. Ah, ouais. C'est sur le festival en lui-même. Ouais, ouais, sûrement. Mais ouais. J'ai l'impression que c'est plus de niche et ça me fait chier qu'il y en ait qui le fassent. Mais bon, c'est pas tant de, de niche. Je peux vous dire que mon point de vue a changé là-dessus la première fois que je suis allé sur le festival sur une croisière parce que j'ai vu des gens. Il y a pas des vidéos sur YouTube qui en parlent de ça? Il y a des reports de ça, non? Je pense que oui, mais eux, je les ai pas filmés. Deux fois. Ouais, ils l'ont fait deux fois. En fait, c'est deux années de suite en plus, non? C'est ça? Moi, je vais y aller, je pense. Ça y est, j'y vais. Mais mon point de vue a changé sur la façon dont les gens devaient passer leur festival, justement sur le navire. Attends, j'ai une meilleure vanne. Tu as été deux fois? Donc ça fait deux fois que t'en as rien à foutre de la planète. C'est bon, tu veux en prendre. C'est à peu près ça. Moi j'ai une vie à vivre. La planète sera là quand moi j'aurai fini ma vie. Donc profitons-en pleinement. Reprends, excuse-moi Eric, c'était juste pour la vanne, bien sûr. Mais je trouve. Vous a rejoint. Quoi? Bob. Ah bon? Comment il est? Bonsoir. Il est automatiquement dans le groupe. Bah attends, je admin. Bah attends, je le rajoute si on peut. Ah, ça va me niquer ma truc. Attends, je peux pas. Il a pas de micro, il y a pas de visu. Non, il m'a tout niqué, je peux pas. Bah ou alors faut s'il veut parler, il peut pas me le dire. Ou alors il est venu peut-être exprès, mais il veut pas parler, je sais pas. Bah, il nous le dira s'il veut parler. Si tu nous entends, préviens-moi, Bob. Mais... Je peux faire peut-être quelque chose. Cligne des yeux. Pas trop. mais c'est ça. Donc, comme je disais, c'est moi, mon opinion a changé parce que oui, tu peux dépenser ton argent parce que c'est un de l'argent divertissement. Que tu le fasses dans un spectacle en salle, que tu le fasses dans un camping général, tu vas à la plage ou tu vas à un festival de musique et tu profites du soleil et un petit peu de la musique. C'est de profiter de tes sous. Puis je pense qu'effectivement, ça crée un conflit entre les gens qui sont là pour profiter exclusivement de la musique. Ouais, mais est-ce que vraiment, du coup, les gens qui ont envie de profiter des deux, c'est pas un peu quelque part qu'ils auraient moins envie de profiter de la musique, en fait? Tu vois, c'est comme si t'allais au cinéma, mais que tu regardais pas le film, un peu. C'est un peu bizarre. C'est un peu... Mais est-ce que toi t'as des ados à la maison qui regardent un film en taponnant sur leur téléphone? Malheureusement, oui. Voilà, c'est ça. on est rendu là. On fait deux choses en même temps. Mais ça c'est encore un... Oui, mais ça c'est pour le coup c'est un autre problème. Là tu relances le truc, c'est pas du tout la même chose. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Je pensais juste vous écouter un peu. Ah d'accord. Il voulait juste nous écouter un peu. Pourquoi il est passé par là, du coup? Mais bon. Voilà. Moi, je crois qu'il faut faire attention à la façon dont on aborde les gens qui se pointent en festival. Par contre, les touristes et les festivaliers moyens, mes festivaliers moyens, ne connaissent pas les codes. Et pour moi, ça, c'est important. C'est pas moi qui l'ai dit. Il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui a dit, il y a Eustache qui a dit, une pinte que Jack va dire les codes. C'est pas moi qui l'ai dit, j'ai gagné. Les fameux codes, effectivement. Les fameux codes. Mais oui. Eh ben, vas-y, parle-nous des codes. Non, mais c'est vrai, il y a une façon d'agir, d'interagir avec les gens. Et habituellement, les touristes les connaissent pas, ces codes-là, et ne les vivent pas de la même façon. Ce sera ceux qui arriveront, comme je disais tout à l'heure, en fin de journée, vont trop boire trop rapidement, et vont décider qu'eux s'en vont en avant de la scène, ils seront première rangée de la main stage et vont passer les coudes dans les airs, vont déplacer tout le monde. Pour moi, tu sais, il y a des choses que tu peux respecter. Tu peux te rendre en avant, mais quand tu connais les codes, ben à ce moment-là, tu feras pas ça. Oui. Eric, est-ce qu'on n'a pas tous été touristes un jour aussi dans ces cas-là et sans les codes? Oui. La première fois où t'es allé dans un festival de métal, tu connaissais forcément pas comment te comporter ou un concert, sans parler d'un festival. Tu vois, ça s'apprend aussi sur le tas, ce genre de choses. Et oui, Jack, je te vois râler, mais... Quoi? J'ai jamais été un touriste. Je suis désolé. Mais généralement, tu vas... Enfin, avant d'aller à un festival, t'as toujours été à quelques concerts avant. Et Et de la même façon, dans un concert, tu peux ne pas savoir comment te comporter. C'est vrai. Ah oui, non, mais ça d'accord. Vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que généralement, quand tu vas en festival, t'as quand même une base, entre guillemets, de code. Il me semble. Ah, tu veux dire, c'est la suite logique. Je veux dire, tu te pointes pas dans la tu penses que c'est la suite logique, en fait. Je connais pas grand monde qui soit allé pour la première fois à un concert dans un festival. J'avais un exemple, mais ça marchait pas. Attendez. J'ai ma mère qui a été à un festival l'an dernier. Ça m'a beaucoup fait rire. Alors qu'elle avait jamais été. J'ai un doute, mais je crois pas. J'ai un épisode là-dessus sur ma chaîne, d'ailleurs. Il est trop fort. Ah, il est très très fort. Il était très fort. Non, elle a été à la fête de l'UMA. Et la fête de l'UMA, si je dis pas de conneries, je crois que c'est un truc, c'est genre, c'est 400 000 personnes. Ouais. C'est à Paris, ça. C'est à Paris. Et ouais. Elle m'a dit ça, elle m'a dit, oui, j'y vais avec ta cousine, elle m'a offert le billet. Je fais, quoi? Mais il y a 400 000 personnes, c'est dangereux, maman. Moi, j'imaginais, je pensais au max du Hellfest, mais je dis, c'est déjà beaucoup plus grand. Elle me dit, non, mais j'y vais comme ça. Et elle a adoré voir Calogero. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Depuis, je ne lui adresse plus la parole. Voilà. Il y a des choses à faire dans la vie. Moi, je règle mes problèmes. Mais je crois qu'elle a commencé par ça. Et en fait, le problème, c'est qu'elle était mal accompagnée. Les gens lui ont pas donné non plus les codes, mais ils lui ont surtout... apparemment, comme c'était la fête de l'UMA, qui est une fête qui mélange beaucoup de concerts et de débats politiques, ma cousine apparemment était un peu là plus pour les débats politiques. Donc, elle n'a pas vu beaucoup de concerts. Elle n'a sûrement pas eu les codes. Donc, je pense qu'elle n'a pas slamé. Malheureusement. Tu slames à la fête de l'UMA ? Tu peux, hein, tu peux slammer partout. Hein, il suffit d'avoir une personne pour slammer. C'est fini. Tu vas pas loin. Mais c'est vrai. Mais en fait, ce principe de code que tu évoquais, Eric, il est hyper important parce que c'est aussi pour éviter de soit mal réagir des trucs que tu connais pas, mais aussi même parfois pour ta sécurité, savoir que tu peux aller dans un pit et qu'il va rien t'arriver parce qu'on va te ramasser et tout ça, c'est vrai qu'il faut... Moi, je sais que, justement, le touriste qui m'accompagne, j'ai essayé de lui expliquer. Et en fait, lui, il a pas les codes, il agit comme un idiot bourrin, quoi. Il était rentré dedans la bagarre au milieu de la Warzone parce qu'il faisait le con. Et en vrai, il aurait pu vachement te blesser, quoi, parce qu'il était stupide dans ce qu'il avait fait, quoi. Donc, je me suis rétamé un petit peu, mais bon, après, tu le sais. Ouais. Justement. Oui, mais... Tu le sais, t'es au milieu du pit, tu sais que tu prends le risque de te rétamer, de te prendre une tête dans le pif ou ce genre de choses, tu vois. Oui, ça peut arriver. J'ai la photo. Elle est en fond d'écran. Elle est en fond d'écran sur mon tel maintenant. Elle est toujours. Oui, bien sûr. Oui, non, c'est pas vrai. J'ai un chat. Mais le pit, c'est vraiment le meilleur exemple des gens qui connaissent pas les codes du métal. C'est moi qui ai fait la photo. C'était pour dire que c'est moi qui ai fait la photo sur mon écran de téléphone. C'était pas vraiment la bagarre en sang. C'était pour ça que je dis, c'est tout. Mais oui, et toi Nico, les codes, t'en penses quoi? Allez, bim, je te relance ta vue et hop. Moi les codes, j'y suis très attaché. Ce qui va un peu dans l'encontre de ce que j'avançais avant, effectivement, il faut bien les apprendre à un moment ou à un autre. Mais aujourd'hui, en plus sur les gros festivals, effectivement, ça donne l'impression qu'il y a de moins en moins ces codes-là un peu traditionnels qui sont respectés. Mais cet argument-là, je le mettrais aussi sur des concerts qui sont un peu grand public. Tu vois, hors festival, je trouve que c'est un peu la même chose. Mais est-ce que c'est pas aussi une question d'ouverture à la musique et aux gens qui viennent découvrir, donc on en revient toujours, il faut bien qu'ils viennent découvrir une première fois pour apprendre ces codes là pour ensuite peut-être un jour les appliquer eux-mêmes. Comme moi j'avais remarqué pour Novelist, où il y avait des pogos à un moment totalement inattendu qui était un moment calme, et ça faisait des pogos partout, et je dis mais qu'est-ce qu'ils font, ils sont fous, et c'était des jeunes, et je me suis dit mais ça n'a aucun sens. Peut-être qu'ils sont aussi en train de réinventer les codes, en fait, d'une certaine manière. Parce que... Oui, bien sûr. Après nous, moi, je suis plus jeune que vous, mais je me veux attacher à ces codes-là comme si j'étais là au moment où Black Sabbath a lâché leur premier riff, tu vois. Donc, c'est peut-être aussi une erreur de ma part, tu vois, d'être trop attaché à ces choses-là. Il y a un truc qui est dit dans le chat qui me. Il y a Wickerzo qui nous dit les gens sont beaucoup plus sages qu'avant au Hellfest. Bah, je dirais pas ça, moi. Je dirais pas que les gens sont désordonnés. Ouais, et moi, au contraire, j'ai. Plus les années passées, quand je dirais les 4-5 premières années, j'ai jamais vu d'embrouille. Et depuis 2 ans, j'en ai vu des petites que j'avais jamais vues avant. Donc, je dirais pas plus sage. Hein. Moi, je dirais que c'est justement des gens qui ont pas des codes. Ouais. Avant, j'avais moins de mal à me déplacer dans la foule. Et maintenant, j'ai l'impression que quand tu te déplaces, si tu as le malheur de pousser quelques personnes, on va te regarder de travers en mode « qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu me pousses ?» Mais juste, je passe, quoi. Est-ce que tu as dit « pardon, excusez-moi, pardon, pardon, excusez-moi » Je suis polie, quand même. Oh, Bah oui. J'ai déjà vu quelqu'un qui t'avait fait un doigt d'honneur, tu n'avais pas beaucoup de politesse en toi, hein. Tu l'avais très très mal pris. Hein. Alors, on peut revenir sur cet épisode. Ah, j'adore cet épisode. Il m'avait bousculé. Ouais, il a pas fait exprès, selon moi. J'étais à côté d'elle. Si, il a fait exprès. Il a vu que je ne regardais pas devant moi parce que je vous parlais. Il m'est rentré dedans. Je me suis retournée. Je dis, bah, tu pourrais t'excuser. Je sais plus ce que j'ai raconté. Ouais. Il m'a même pas regardé. Il m'a fait un doigt. Oui. Bah ouais, bah, forcément, j'ai voulu lui rentrer dedans. Alors moi, j'ai pris la bagarre, non, viens, on va à la Warzone, on va taper, viens, ça va être plus sympa. Parce qu'elle était vraiment en colère, elle était outrée. Outrée. Mais ça m'a énervé. Mais, enfin, non, là, c'était juste un gros connard. Oui, non, c'était juste pour ramener ça dans le truc, ça me faisait rire, cette histoire me fait beaucoup rire. Mais non, oui. Mais sinon, effectivement, moi, j'ai l'impression que maintenant, t'as plus de mal... si par exemple t'es dans un pit et que t'es dans un plein pogo ou peu importe, t'as des personnes qui vont entre guillemets mal réagir parce qu'ils se sont pris un coup. Mais en fait, t'es là, tu le sais. Enfin, bah, normalement, tu dois le savoir. Et ben t'as des personnes qui vont réagir et en mode qu'est-ce que tu fais quoi, et qui vont aller pas presque re-rentrer dans la personne qui leur a foutu un coup en mode tiens prends-toi ça dans la gueule quoi. Non, ça c'est vrai qu'il y a un peu ce changement d'attitude qui peut arriver, ouais. Arriver parfois, ou comme le principe de pas prévenir le mec devant toi quand il y a un slammer qui arrive ou des trucs. Mais est-ce que du coup ça serait une ouverture du public qui vient pour des événements en mode bah, je veux voir le truc à la mode sans savoir comment ça marche, ou est-ce que c'est juste que la nouvelle génération n'a pas été formée par les plus anciens comme Eric et la bagarre qui n'ont pas pris le temps de s'occuper des plus petits? Est-ce que c'est un peu votre faute? C'est vous les anciens qui auriez dû transmettre? C'est gratuit ça. Ah, c'est totalement gratuit. Ah bah j'essaye de relancer d'une autre manière, hein. J'anime, excusez-moi, j'essaye de faire mon taf. Non, mais après, tu sais, je reviens au pit, vas-y la bagarre. Non, je t'en prie. Ah, faut quelqu'un parle par contre. mais dans le pit, je trouve que le pit est effectivement, comme je disais, plutôt un bel exemple. Il y a des gens qui seront là. Seulement pour blesser les autres, et si quelqu'un tombe, c'est pas eux qui vont ils vont pas le ramasser, le relever, ils vont pas faire attention. Ils ne vivent ce moment-là que pour eux. Moi personnellement, le pit c'est pour moi, mais c'est aussi pour les gens qui m'entourent. Puis est-ce que ça s'apprend? Ben là, je dirais, comme l'expression en anglais, monkey see, monkey do. Donc si un singe le fait, fais-le toi aussi. Là. Je suis pas sûr que c'est tout le monde qui est capable d'apprendre, qui apprend ça là. Parce que quand t'arrives là et que t'as trop bu, ça se pourrait que tu fasses pas attention aux gens qui sont autour de toi. Mais tu penses qu'il y en a qui sont vraiment là pour juste faire mal, qui viennent vraiment que pour ça? Ben moi, les gens qui se promènent avec les bras, qui font ça comme ça. Ah oui, là, mais ça c'est la bagarre, faut juste avec les pieds, voilà, moi j'ai pas le... ça, du coup t'allais dire quoi, la bagarre, avant que Eric t'interrompe? Bah là, ça avait pas grand-chose à voir, mais moi, je voulais parler grave. Juste... Non, mais en fait, pour en revenir au type de personnes qui viennent en fest, et notamment pour le Hellfest, il y a aussi ce côté populaire. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de potes qui n'écoutent pas du tout de métal et qui, en voyant les images du Hellfest, me disent « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais venir une fois avec toi au Hellfest !» Alors et que... Voilà. Et voilà. À chaque fois, je leur dis non, ne venez pas parce que bah, vous aimez pas le métal. De base, elles aiment pas. C'est-à-dire que quand je leur fais écouter, elles me disent non, mais c'est des trucs de tarés. Mais je leur dis, mais pourquoi vous voulez venir alors si vous aimez pas, si vous appréciez pas? Et du coup, je pense que des fois, tu te retrouves avec des personnes comme ça dans le fest qui viennent pour le le contexte du Hellfest. Et ça, je trouve ça aussi un peu dommage. Ouais, mais en fait, ça, faudrait justement voir si ce genre de personnes... Bah, après, c'est justement c'est moins populaire, mais si dans d'autres festivals, t'en trouves aussi, en fait. Tu vois, si t'as des gens qui viennent que pour l'attrait de la lumière... Ou parce que moi, en fait, j'ai toujours ce côté-là de me dire, c'est ce que j'avais voulu tenter en emmenant justement mon pote Antoine, c'était de me dire, vu qu'à chaque fois, il était en train de cracher sur la musique que j'écoutais, je me suis dit, ok, peut-être que si je t'emmène dans un festival où il y a que des concerts, tu vas pouvoir un peu te concentrer sur la musique et découvrir que c'est pas si mal. Bon, ça a marché plus ou moins. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit aussi. Oui, mais en fait, moi, je me dis toujours, en fait, moi, je suis jamais forcément réfractaire au tourisme dans le sens où un mec qui vient peut repartir convaincu, avoir fait des découvertes et avoir changé sa vie musicale, quoi. Donc, je me dis, il y a toujours cet espoir-là. Et même si ça passe par un côté au début, ne pas avoir les codes, ne pas comprendre, et que c'est peut-être l'attrait de la lumière qui lui donne envie de voir ça, peut-être qu'au final, d'avoir justement eu ce moment où de se rendre compte en déambulant sur le site, d'aller une scène à une autre, qui est accompagné un pote ou qui est solo, je pense que ça peut... Moi, je suis jamais fermé à ce truc-là en mode, si le gars ressort et devient demain un mec fan de musique, ben c'est gagné, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi, mais moi, je serais ravie d'amener des potes, mais qui de base auraient une petite sensibilité ou alors qui me diraient « Ok, je veux découvrir ton univers ». Mais si c'est pour me dire je veux venir au Hellfest pour dire que je suis allée au Hellfest en sachant qu'elle n'apprécie pas de base la musique et les groupes et peu importe, je vois pas trop l'intérêt et je pense qu'effectivement il y a. C'est là où je vous disais que ça a moyen marché avec mon pote Antoine, c'est qu'il a parlé à notre pote qu'on avait en commun et il dit mais l'année prochaine, viens au Hellfest, tu vas voir, c'est trop bien, on va picoler, ça va être cool. Je dis bah, ferme-la, ça sert à rien, t'as rien compris au final, moi j'ai tout fait, c'est pas grave. Voilà. Tu parles de picole, Max, dans les commentaires tout à l'heure, disait qu'il ramassait de plus en plus de gens qui étaient derrière le bar, vu qu'il gère l'un des bars. Pour contextualiser pour ceux qui l'auraient pas, qui ramassaient de plus en plus de personnes qui étaient ivres morts ou droguées. Attends, derrière le bar, c'est-à-dire ils en chopaient. Il les récupère. D'après ce que j'ai lu en travers, apparemment, il les récupère pour les mettre en sécurité le temps que les secours viennent s'occuper d'eux. Mais ça fait un peu écho, tu sais, à ce que je t'avais raconté l'an dernier, à savoir que ma compagne a quand même réanimé entre guillemets deux personnes qui étaient en coma éthylique profond. Sur le site. Ça, c'est des choses qu'on observe de plus en plus, ou alors c'est juste des cas isolés chaque année. Parce que est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là ? Eh ben, en vrai, je voudrais voir avec la sécurité du festival. Non, mais en fait, je me suis pas forcément trop regardé là-dessus, mais c'est vrai que dans les premières années, tu pouvais de temps en temps croiser des gens un peu au sol, mais qui n'avaient pas forcément l'air d'être en mauvais état, des gens qui se reposaient même en solo. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de gens bien éclatés, soit on les enlève très vite, ou ils sont vite pris en charge, mais j'en vois pas tant que ça, quoi. J'ai pas l'impression, en tout cas, d'en avoir vu beaucoup. Je sais pas si vous... Moi non plus, pas tant que ça. Bah, j'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de personnes complètement défractées, quoi. Bah non. Après, vu que le site est grand, est-ce que c'est pas juste une question de où est-ce que les gens échouent aussi? Oui. Parce que toi, t'es en plein milieu de ton pit dans la Warden, tu vas pas forcément retrouver à cet endroit-là les gens ivres morts. Par contre, dans la forêt, par exemple, là, s'il faut passer une certaine heure, t'en ramasses à l'appel. Vas-y, Eric. J'allais juste dire que ça revient aussi avec... Habituellement, les gens qu'on va retrouver ivres-morts, c'est pas les gens qui sont là pour 4 jours du festival. C'est des gens qui, quand tu es là pour 4 jours, tu penses que tu te gères mieux, tu gères mieux ta consommation d'alcool, même si peut-être t'en prends plus que tu vas en prendre régulièrement, habituellement. Mais je pense que ceux qu'on retrouve ivres-morts, c'est ceux qui viennent pour une journée dans ce festival-là. Ah ouais, tu crois? Qui sont pas... Ben, je pense... Ouais, c'est possible. Mais c'est hyper intéressant, mais je voulais refaire une petite aparté sur les codes et tout ça. Toi, Eric, qui viens de loin et qui a justement été sur les 70 000 tonnes de métal qu'on peut retrouver sur YouTube et d'autres trucs, est-ce que tu as vu sur ces festivals-là, toi, des gens qui avaient moins les codes ou pas? Parce qu'on a toujours l'impression que 70 000 tonnes, c'est vraiment un truc tellement trou métalleux que c'est vraiment que des gens vraiment full métal. Donc, est-ce que là-bas, par exemple, tu as vu des trucs où les gens avaient moins des codes ou même des touristes? Pas 70 000 tonnes. Ouais. Pas au prix que tu paies pour aller à ce festival de musique-là. C'est beaucoup trop cher. Puis les gens qui viennent, c'est des vrais. Et j'ai croisé une personne qui n'était pas une métalleuse. Puis elle est dans un des épisodes, d'ailleurs. On est chanceux, on l'a croisée. Elle est venue un peu comme ton ami Antoine pour découvrir. Puis elle dit, ben, je trouve ça le fun. Mais elle dit, la plupart de la musique, ça ne fait que crier. Donc, elle n'a pas aimé la musique, mais elle a aimé l'expérience du festival. Revenir avec l'ami de la bagarre qui pourrait être là et aimer l'expérience du festival, mais ne pas nécessairement aimer la musique qui est offerte. Fait que 70 000 tonnes, c'est pas un bon exemple. Par contre, quand on est allé à Welcome to Rockville, quand je suis allé au Rockfest qu'on avait ici à Montebello, ben oui, il y en avait plein de gens qui connaissaient pas les codes. Au Rockfest, je faisais partie des gens qui venaient une journée. Et tant qu'à venir une journée, ben je me pétais la face. J'ai vu Offspring, mais j'ai pas vu Offspring, je m'en souviens pas. Puis je me suis obstiné avec une fille qui était avec moi. Elle dit, ben oui, tu, on les a vus, regarde l'affiche. Je me souvenais d'avoir vu le band avant, le band après, mais pas Offspring. Mais techniquement, tu l'as peut-être vraiment pas vu, t'étais peut-être plus là, hein. T'étais peut-être vraiment, c'est possible. Non, j'étais plus là. Mais c'est ça. Donc, je pense que c'est partout pareil. Et plus le festival gagne en notoriété, plus la foule devient grande et plus il y a de moins en moins, les métalleux sont en moins grande proportion. Oui, bien sûr. Je vois ce que tu as. Effectivement, Max est revenu un peu sur le côté sécurité. Il a dit, on a même des gens qui ont escaladé le bar et se sont mis en danger le samedi soir en 2023. La sécu était débordée ce soir-là. Les gens ont pété les plombs partout sur le site. C'était qui le samedi soir en 2023? C'est pas là où il y avait The Who? Ou s'il y a eu toutes. C'était The Who et c'était Iron Maiden, ouais, la tête d'affiche. Il y a eu un gros bordel à ce moment-là. C'est là où j'ai mangé des chaussures pendant 2h30. Ouais, non, il y a eu effectivement. Mais ouais, c'est fou. Et puis il précise aussi qu'il y a des gens sans bracelet qui arrivent à rentrer. Ouais. Ça, par contre, je comprends pas comment. Bah non, mais parce qu'en fait. Enfin, ça dépend. Ils passent par où? Il y a toujours des solutions, il y a toujours des moyens. C'est pas. Ouais. Il y a bien des cambrioleurs qui rentrent dans des maisons fermées. Alors, j'en ai déjà entendu parler. Ouais. Okay. C'est des gens, ils m'ont dit je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'est fait cambrioler. J'étais non. Mais bon, j'ai pas trop là pour raconter. La bagarre, je pense que le fait qu'ils envoient les bracelets à la maison maintenant joue énormément sur la possibilité d'essayer de truander pour rentrer. Parce que. Tu le serres pas trop, tu rentres à deux, il y en a un qui donne le bracelet, tu ressors, tu en donnes un troisième, tu vois. Ouais. C'est des choses qui peuvent se faire plus facilement. Attends. Oui, mais la technique, attends, parce que si tu ressors, tu peux plus rentrer. Je te ferai un dessin. Non, mais tu peux plus rentrer si t'es sorti. Non, bah t'as pas bien écouté alors. Fais un dessin si tu veux, je te l'envoie. Parce que moi, je vois le mec, il passe la cathédrale, bip, il enlève le bracelet, il le jette par-dessus la cathédrale, son pote le récupère. Il y a quelqu'un qui vient de pop dans le chat. Ah, il y a Tonai qui est là. Ouais, il y a la violence qui dit, c'est pour une exécution publique, Tonai. Ouais. Réglez vos trucs sur le chat. Ligne, ouais, c'est vrai aussi. Ouais, il dit alors c'est vrai l'accès à l'arrière par la Warzone aussi doit. Au niveau des vignes. Que la sécurité soit pas très attentive et tu peux rentrer directement. Oui, bah c'est sûr. Après, il y a peut-être des moments où ils sont débordés aussi. Donc, bien sûr. Je veux dire, là, si quand la bagarre est en train de casser des bouches, forcément. Tiens, exactement. Tout le monde regarde et fait qu'est-ce qu'elle fait ? C'est magique. Et puis là, les gens ils rentrent. Là, on peut reprendre l'exemple du Motoc où à un moment donné, il n'y avait pas assez de vigiles en 2023 et ça rentrait n'importe comment. Enfin, je veux dire, il n'y avait plus de fouilles, il n'y avait plus rien, quoi. Donc, ça peut arriver, quoi. Donc, mais bon, mais là, en fait, même pour ça, si on reprend l'exemple du Hellfest, la fouille entre le premier et le dernier jour, c'est plus tout à fait la même. C'est vraiment, à un moment donné, tout le monde est fatigué. Je dis, allez, c'est bon. Mais oui, j'ai dû te voir une fois, t'inquiète, rentre. C'est pas grave. Il y a plein de trucs comme ça. Mais ouais, non, en tout cas. Mais aux États-Unis, les fouilles sont beaucoup plus strictes. Hein, et tu peux pas rentrer avec un sac qui n'est pas transparent. Ah ouais? Moi, j'ai pu rentrer avec un sac pas transparent parce que je rentrais par l'accès des médias. Oui. Mais si tu rentres, quand on est rentré de grand public, il a fallu qu'on dise on est médias, c'est pour ça qu'on a ce sac-là. Mais sinon, si t'es festivalier, tu prends un sac transparent et t'es fouillé. Systématiquement à toutes les fois que tu passes. Il y, même si c'est la même personne. Il n'y a pas une vidéo tuto sur YouTube là-dessus? T'as pas fait, vous n'avez pas fait ça? Non, moi je l'ai pas fait celle-là. J'aurais dû, par exemple. Ah, c'est dommage. Mais il y a un petit bout. Quand on regarde dans Welcome to Rockville, jour 1, oui, on le voit rapidement, notre passage. Mais oui, ça prend un sac transparent. La sécurité, quand même, aux États-Unis, c'est beaucoup plus fou que, qu'en comme Europe. Comme dit Wickerzo aussi, beaucoup plus d'armes aux États-Unis. Oh oui, totalement. Et il y a des policiers. À Welcome to Rockville, il y avait des policiers sur le site. On n'a pas vu ça. J'ai pas vu ça au Hellfest les deux années où je suis allé. J'avais pas vu ça dans d'autres festivals. Mais là, il y avait réellement des policiers sur le site. Il y en avait au Hellfest, je crois. Ouais, il y en a, mais souvent ils sont devant sur le site. Ouais, ils sont devant. Je suis pas sûr sur le site complet. Même dedans. Même dedans. J'en ai croisé en 2024. Ouais. Tu vois, on confirme aussi qu'il y en a aussi au Hellfest des policiers, mais bon. Ouais. Mais au niveau de la fouille, Eric, le Hellfest est quand même très très laxiste là-dessus et ça a toujours été. Chaque année, on voit des gens se plaindre justement sur les réseaux de dire la fouille, ils devraient la pousser un peu plus. Et moi, j'ai le contre-exemple du download où nos sacs étaient entièrement fouillés et retournés pour pouvoir rentrer sur le camping, tu vois, par exemple. Mais le sac, genre le sac de voyage avec tes fringues et tout. Le sac de voyage, ouais. Ils fouillaient l'ensemble du sac. Après, il y avait peut-être aussi le côté base aérienne, donc militaire, qui jouait aussi. Mais je pense que ça dépend beaucoup de l'orga et de la façon dont ils veulent être à cheval dessus ou qu'ils se veulent plus ou moins détente dans l'esprit. Mais à Rockville, c'était la même chose pour le camping. On s'est fait fouiller la voiture. On avait un coffre sur le toit. On avait fallu qu'on l'ouvre. Les gens qui venaient en VR se faisaient fouiller complètement le VR pour rentrer sur le camping. Et ensuite, quand tu rentres sur le site, on a zéro fouille pour le camping. Hein. Ouais. Ah non, le camping, tu rentres ce que tu veux dedans. Bah ouais. Maintenant que j'y réfléchis, Dis-toi qu'à Paris, on n'est pas obligé de trop le dire qu'on veut passer avec les miroirs pour les voitures. C'est vrai qu'on. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est un peu fou, c'est les différents trucs. Après, je suis pas du tout surpris qu'aux États-Unis ça soit renforcé. Après, je sais qu'au Hellfest, c'est sur le camping, ça va, mais parce qu'il y a, je crois qu'il y a pas eu non plus de grosses dingueries qui m'est revenu en tout cas en termes d'histoire folle, de trucs qui auraient été amenés. Et après, il y a pas eu de folie. Mais après, maintenant, j'ai peur que le moindre truc qu'on dit, ça mette une idée dans la tête. Ah ouais, mais pourquoi pas des feux d'artifice? Donc c'est le mec qui se fait. Il n'y a pas eu de feux d'artifice l'année dernière, on va le faire au camping cette année. Et après, sur le camping du Hellfest, il y a quand même énormément de bénévoles qui tournent un peu, qui traversent régulièrement. Et je pense que s'ils voient quelque chose qui est vraiment interdit ou dangereux, ils n'hésiteraient pas à venir te le confisquer. Je pense, ouais. Vous n'avez pas trop le cas au Easy Camp parce que c'est encore différent, mais. Comment ça? Vous êtes déjà dans une zone fermée, en plus du camping. Je vois pas ce que parce tu veux toi, dire. Parce que toi, quand tu vas au Hellfest, tu vas pas à l'Easy Camp, tu vas sur le camping. Non, moi, je suis toujours sur le camping traditionnel. Ouais. Et ça se passe bien, toujours? Ça va. Des fois, tu dors pas trop bien parce que t'as les gens qui te crient dans les oreilles juste à côté. Mais ça, c'est les lois du camping, quoi. Ouais. Ok. La première nuit, si j'ai dormi 2 heures, c'était le max, quoi. Non, elle peut pas. Dans la bagarre, elle peut pas. Faut qu'elle dorme 2 heures toutes les 2 heures. Donc, c'est pas possible. Non, j'ai un problème. Regardez, elle dément pas. Elle dément pas. Elle fait ah merde. elle est vraie, celle-là. Ah, salaud. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oui. Je voulais dire un truc en plus par rapport à ça. Mais quand tu disais pour le download, mais il n'y avait pas un truc où justement de mémoire, il n'y avait pas le droit d'amener d'alcool sur le camping ou une connerie comme ça? Si, c'est ça. Ah, aussi, ouais. Ouais, c'était interdit d'amener de l'alcool sur le camping. C'était un truc que j'avais trouvé fou, quoi. En fait, ils voulaient que tu l'achètes. Que tu consommes, bien sûr, que tu consommes pour eux, mais c'était comme. Après, c'est l'étape d'après pour tout festival, j'ai envie de te dire, de forcer à la consommation sur place. Ouais, non, mais c'est sûr. Hein. En termes de business, Imagine les sommes que tu peux te faire en supplémentaire si tu obliges tout le monde à consommer sur place, t'as peine à 7 ou 8 euros. Oui, mais le problème aussi avec ça, justement, c'est qu'il y en a. Enfin, après, je sais pas comment réagissent les gens, mais moi, je sais que si je vois un truc comme ça où on me pousse à la consommation de cette façon-là, je vais forcément moins consommer. En fait, de base, parce que je sais que je me fais baiser quelque part, quoi, tu vois. Là où, justement, le Hellfest, ils savent que très bien. Enfin, après, je sais pas, j'ai jamais eu l'exemple, mais faudrait voir si les mecs qui se mettent des races. Ils peuvent quand même rentrer à la cathédrale ou pas, en fait, tu vois. Parce que normalement, tu rentres pas complètement éteint, justement, tu consommes. Après, eux, ils ont mis un point d'accès avec la cathédrale qui fait que tu dois rentrer normal et après, t'es obligé de consommer. Mais à côté de ça, si tu veux consommer, tu consommes comme tu veux, ce qui est à toi ou pas. Donc, il y a deux trucs, quoi, pour moi. Ça, la différence, elle joue là aussi. Là, quand t'es sur le camping, on devrait te laisser plus ou moins faire ce que tu veux, quoi. Je veux dire, si Eric, il vient qu'une journée, il faut bien qu'il puisse se la mettre à l'envers, quoi. C'est, enfin... bah oui, attends. Écoute, 6000 km comme ça, une journée de festival, 6000 km comme ça. Ah tiens. Non mais c'est ça me semble. Ça se fait bien. oui, bah, écoutez, ça fait déjà une heure et demie. Est-ce que vous voulez qu'on continue encore avec n'importe quoi ou on passe sur autre chose, j'en sais rien. Faites comme vous voulez, dites-moi. Moi, j'ai encore du temps si vous voulez continuer à parler de ce que vous voulez. Demain, c'est férié, donc. Non, mais c'est pour ça que je vous dis ça, parce que comme je vois que ça fait une heure et demie et que je crois qu'on a peut-être fait le tour de je ne sais pas quoi, parce qu'on est quand même parti bien loin de ce qu'on avait commencé, donc je ne sais pas. Donc, Ben, en fait, on a fait beaucoup le tour des festivals en général. Je pense que oui, on a fait le tour des sujets qu'on peut aborder sur les festivals. Ouais, bon, bah, donc, faut qu'on arrête de parler de festivals. Vous écoutez quoi, vous, en ce moment? Non, mais c'est une vraie question, parce qu'on ne sait pas toujours ce que les gens écoutent, tu vois. Donc, Eric, t'écoutes quoi en ce moment? En fait, c'est j'en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai découvert Lutaro, Unleash the Archer, également sur la croisière. Puis c'est les bands que j'écoute dernièrement. Ah oui, donc depuis 70 000 tonnes de métal, t'es pas redescendu. T'es resté... sur ces groupes-là. Je suis réellement sorti 70 000 tonnes de métal il y a 2 semaines avec la publication du bilan. Donc moi, un festival, ça dure toujours 1 mois et demi, 2 mois après avoir été au festival, donc je reste dedans longtemps. Tiens, d'ailleurs, Eric, tu veux dire que là, tout de suite, on peut aller consulter un report de 70 000 tonnes de métal qui est tout frais? Non, il n'y en a plus des tout frais, mais oui, ils sont tous là, par exemple, ils sont sur la chaîne. C'est fou. Non, mais c'est... D'ailleurs, j'ai pas encore regardé le bilan final. Moi, j'ai pas. Je me le garde comme un petit bonbon, un petit dessert que je vais pouvoir savourer. Ah, c'est gentil. Mais non, c'est ça. Moi, je reste beaucoup là-dedans. Puis, j'ai aimé le fait que j'ai pu découvrir certains bands que je connaissais pas. Ceux qui sont restés, ben, c'est ça. C'est Lutaro, Only J. Archer que j'ai écouté beaucoup dans les dernières semaines. Je fais un parallèle avec ça, je rebondis là-dessus. Toi et Eric à ta chaîne, bon, la bagarre, elle a pas de média, on sait, elle fait des reports, mais c'est pas un média, on a compris. Je me suis engueulé. Non, mais supporte pas qu'on dise le mot média, ça, apparemment, c'est un mot qui est sale. Mais non, je suis pas un... Tu fais des reports! Le tout venant ne fait pas de reports! Le festivalier moyen, comme dirait Eric, ne fait pas de reports! C'est des tout petits trucs. Mais ça change rien, c'est pas la, c'est pas, tu sais, avec le temps, on apprend que c'est pas la durée qui compte. Donc vraiment, c'est pas ça. C'est pas ça qui est important. Okay. Non, mais je parlais pas pour moi. C'est mon ami qui connaît un pote qui s'est fait cambrioler, qui m'a raconté ça. Je dis, oh bah, dis donc, elle est bien bonne celle-là. Non, je voulais me dire, est-ce qu'entends justement que des gens qui proposaient du contenu? Voilà. Est-ce que vous arrivez quand même à écouter de la musique autrement que lié à ça? Donc c'est pour ça que je voulais venir sur Eric, tu vois, comme tu avais l'air de dire que toi, depuis 70 000 tonnes de métal, t'écoutais ça. Est-ce que tu arrives quand même à écouter de la musique autrement, suivant des sorties ou pas? Non, ben, oublie pas, je travaille dans une station de radio également, là. Donc, d'écouter de la musique, j'ai peu de temps. Et quand j'ai un peu de temps pour moi, souvent, j'ai pas envie d'entendre de la musique parce que j'en ai entendu toute la journée. Donc, à ce moment-là, je vais écouter des radios parler ou je vais écouter des podcasts. Ah oui, des podcasts qui font à peu près 3 heures minimum. Des podcasts de qualité. Que je peux écouter, oui, en 4 sorties avec le chien, oui. Je vois très, très bien ce que tu veux dire. Et toi, la bagarre, toi, t'écoutes quand même beaucoup de musique et pas forcément que lié à ça. Ou tu, maintenant, aujourd'hui, par exemple, tu sais, comme tu ziotes un peu plus les concerts ou soirées que tu peux faire, t'as tendance à écouter ça. En fait, j'écoute pas que ce que je vais voir en concert. Je vais écouter les découvertes que je vais faire, effectivement. Mais après, je reviens souvent sur des trucs aussi que j'aime bien, quoi. Genre, Landmarks, par exemple, je sais que là, ils ont sorti leur album. Ouais. Mais c'est un truc que je vais écouter régulièrement et pas forcément les nouveaux trucs. Voilà. C'est-à-dire que tu l'as pas écouté, le nouvel album ? Je l'ai à peine écouté, ouais. J'ai pas tout écouté, mais un petit peu. Ah, t'as pas trop aimé, ça veut dire. Non, pas du tout. Par contre, non, ce que j'ai entendu m'a beaucoup plu, mais j'ai pas encore pris le temps de réellement écouter chacune des chansons de l'album. D'accord. Mais non, par contre, je vais revenir sur des trucs que j'ai l'habitude d'écouter. Alors, on se le note pour plus tard, mais il y a Tito qui demande, on n'a pas... comme il est ici ou qui est parti, ça, il a dit quoi ? J'ai loupé. J'ai pas entendu l'avis d'Eric sur l'avis de Jack sur Savatage, donc on va y revenir après. Voilà, on se le met là. Nico, toi qui fais beaucoup d'interviews, qui a une grosse activité avec ton média, est-ce que justement t'écoutes un peu de musique hors média ou tout est lié en fait, tout est entrelacé que... Moi, j'ai fait en sorte que mes activités médias soient toujours liées, oui, à cette écoute et à cette découverte. Parce que j'ai un gros travail de veille sur ce qui sort pour justement essayer d'aller chercher des groupes intéressants à interviewer, en tout cas intéressants à mes yeux. Parce que, bon, pareil, ce qui peut me plaire ne plaira pas forcément à la bagarre ou à toi, par exemple. Dès qu'il y a des nouvelles sorties, j'essaie de me tenir quand même max au courant et de les écouter. Mais ça n'empêche pas que aussi régulièrement je repars sur un peu mes chouchous, mes groupes que j'aime pour être moins dans l'analyse de ce que je suis en train d'écouter entre guillemets, mais plus dans le plaisir pur de ce que j'aime. C'est hyper intéressant ce que tu as dit parce que du coup je rebondis sur la bagarre quand toi maintenant donc en tant que non média peut-être plus instagrammeuse, comme dirait la violence. C'est la violence qu'il a dit, hein, c'est vraiment. En tout cas, quelqu'un qui vient un peu dire des choses sur ce qu'elle écoute. Est-ce que justement, t'as changé ta façon d'écouter ? C'est-à-dire, est-ce que t'es un peu plus dans la réflexion, justement, tu vois, le côté où. Ouais, parce que. J'ai cru qu'elle allait dire que ouais. Ouais, allez, autre chose. Ouais. Bien, allez, question suivante. Ok, très bien, merci. J'aurais pu, hein. Ouais, c'est vrai que t'aurais pu. Ouais. Par exemple, quand je vais à certaines soirées, je sais qu'il y a des groupes que je vais pas forcément de base apprécier. Donc, j'essaie d'avoir un certain recul et de me dire objectivement, est-ce que c'est sympa? Est-ce que ça pourrait plaire à des personnes qui écoutent ce genre, qui écoutent ce style? Donc, je vais essayer d'avoir ce recul parce que si je le prends premier degré avec moi, mes goûts à moi, je vais dire non, c'est de la merde. Mais non, c'est pas de la merde. Si je suis, j'essaye d'être objective par rapport au genre, je me dis, bon, là, ça peut plaire. Je sais que ça peut plaire. Donc, j'essaie d'avoir un certain recul. Mais après, si je le prends selon moi, mes goûts à moi, c'est différent. Donc mine de rien, ce non-média que tu as, ça a quand même un peu changé ou influencé ta façon d'écouter. un peu à la manière d'un média, quoi. Un peu. Ouais, on peut dire. Après, on peut dire que oui. Tout dépend aussi comment t'as la vision de ton nom média. C'est-à-dire que soit tu veux absolument mettre en avant le fait que tu peux trouver du bien partout. Tu vois? Non, par contre, non, vraiment, objectivement, il y a des fois, je sais que j'ai souvenir d'un groupe où je me suis dit, non, je n'écoute pas ce style, mais en sachant que je n'écoute pas ce style, ça reste nul. Wow. Il y a des groupes où j'arrive à dire non, c'est pas possible. Non, la violence, elle va te dire, faut dire on n'aime pas. Alors qu'on sait que c'est non, nul. Non, là, pour le coup, non, vraiment, je sais, parce que pour le coup, j'étais à un concert avec un pote qui écoute du black metal et même lui était d'accord pour me dire non, c'est nul, c'est pas possible. C'est trop bien, on va rebondir là-dessus. Est-ce qu'on, selon vous, Eric, toi qui es la tolérance, qui est la bonne âme de cette soirée, tu penses qu'on peut dire qu'un truc est nul à chier ou faut dire j'aime pas? Ah, on t'entend pas? On t'entend pas? Il y a plus de son, plus d'image. Mais non, si de l'image, si, il y a l'image, mais si. Plus de son. Si, on a. Là, m'entendez-vous là? Bah oui, on t'entend. Oui. Parfait. Non, c'est j'ai un écouteur qui a arrêté de fonctionner. C'est pas grave. Non, on peut dire que quelque chose est nul à chier. Ah. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Oui, moi, dans mes reports, appelez ça mes critiques de band, c'est très rare que je vais dire que tout est nul à chier, mais je l'ai déjà dit. Je pense que ça se dit. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse sur le fait que vous avez des chaînes qui parlent de musique. Moi, mon projet à moi, c'est pas une chaîne de musique. Ah si, hein. De voyage et de festival. Putain, le mec, il sait même pas ce qu'il fait. Si, tu parles de musique, hein. Je te jure, j'ai regardé des trucs. Oui. Non, bah si, t'arrives, tu vas voir des concerts, tu dis ça, ce groupe-là, c'est ci, c'est ça. T'es même là des fois avec ton copain Marc-André. Alors, non, Rond Rouge, celui-là, on va pas le voir. Et toi? Moi non plus. Donc si, oui, vous parlez de musique. On prépare notre festival. Ton festival où il y a de la musique. Mais sans déconner, le gars, il est pas au courant. Tu parles de musique. Je cherche pas à découvrir des nouveaux bands. Ah, mais... Tu sais, comme par exemple, la regarde disait, mais je vais essayer, je vais aller voir les découvertes, je vais essayer de trouver d'autres choses, peut-être aller voir des nouveaux spectacles. Moi, c'est ça que je fais. Mais oui, mais en fait, tu le fais par association. Quand tu vas voir un festival, bah, tu le fais par association, vu que tu écoutes les trucs qui passent et que tu en découvres. C'est... Oui, par association, oui. Bah oui, donc je te jure que tu es un média musical. Hein. Je te jure, hein, tu parles de musique. Hein. Tu parles peut-être de musique via le prisme d'un voyage. Mais tu parles de musique. Je veux dire, quand tu parles de savatage, tu parles bien de musique. Oui. D'ailleurs, je suis en train de chercher qu'est-ce que tu t'es dit, parce que je t'avais envoyé un message à propos de ça. Oui, un message, oui. Je le cherche, je le trouve pas. De mémoire, c'était un truc qui disait, franchement, Jacques, j'ai compris que t'avais pas aimé, mais t'as été tellement bienveillant avec le groupe et t'as dit que des choses sensées que je respecte énormément ton avis. J'aurais bien voulu te prendre pour meilleur ami, mais j'avais déjà Marc-André, donc je te propose qu'on soit des frérots de loin. Tu m'as dit un truc à peu près comme ça. Mais t'as une mémoire extraordinaire. Ouais, Que veux-tu? Non, je t'ai dit que t'avais pas écouté les bonnes chansons. Ah ben, c'est comme par hasard. Tu viens de t'avoir dit ça. Mmh. Mais que ça, par rapport à la musique que t'aimes, je suis pas surpris que ça t'ait pas parlé énormément. Et non, parce que malheureusement, le groupe un petit peu à l'ancienne quand même, c'est un peu... Des fois, ça a du mal un petit peu à passer, des fois, ça... Plus d'une fois. Et pour en revenir à la question que je vous ai posée, moi, en ce qui me concerne, vu que tout le monde attendait ma réponse, vu que personne ne me l'a demandé. En fait, moi, je me retrouve un peu prisonnier de ce média que j'ai créé, dans le sens où j'ai tellement de trucs à écouter que quand je vois le jour des sorties du vendredi, et je fais « j'écouterai bien ce truc-là, mais j'ai déjà 10 groupes en retard. Là, j'ai Tenaille qui vient dans une heure, j'ai 8 groupes à écouter, je suis dans la merde. » Donc, j'ai plus trop le temps, malheureusement, d'écouter et d'anciens trucs et de nouveaux trucs. Donc j'ai une espèce de longue pile d'albums en retard à écouter qui me rend. Mais du coup, qu'est-ce que t'écoutes ? Principalement tous sur ce que je dois parler en fait. Ça va être soit pour Road to Hellfest, soit pour les capsules de Road to Hellfest, soit ça va être les groupes pour le graphe. Mais t'écoutes jamais des trucs que toi de base tu kiffes ou... À l'ancienne, tu veux dire ? Des trucs qui te font kiffer, t'as envie d'écouter un truc, tu te le mets. Ou alors vraiment, tu t'imposes à chaque fois. Non, c'est pas. Non. Alors, c'est, je m'impose, parce qu'il faut quand même que j'en dise 2-3 mots. Hein. Quand même, on a des podcasts de 3 heures, ma petite dame, donc faut avoir de quoi répondre en face. Hein. Et quand t'as 3 semaines pour écouter 8 groupes, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Hein. Je balancerai pas sur Parsi qui est pas là. Hein. je me permettrai pas de faire ça. Mais en fait, c'est. Maintenant, j'ai beaucoup plus de mal justement à écouter d'anciens trucs, même des trucs que je kiffe. Ou alors, ça peut m'arriver des fois d'avoir des journées un peu ras-le-bol où je suis là, je dis, oh, non, là, j'ai... franchement. Alors, en fait, tu t'imposes. Mais est-ce que tu prends du plaisir à écouter de la musique maintenant? Alors là, on en arrive à la partie que disait Nico. C'est justement, moi, je prends énormément de plaisir sur justement le côté réflexion de la chose. Que ça soit que j'aime ou que j'aime pas. Quand j'ai un truc que j'aime pas, des fois, je suis vraiment en mode, mais pourquoi j'aime pas? Est-ce que c'est juste le genre qui fait que j'aime pas ou il se passe rien? En fait, je peux pas me contenter d'un avis trop rapide. J'ai besoin de m'y plonger un peu, en fait. J'ai besoin d'y aller. En fait, pour voir le truc. T'intellectualises le truc. Quand c'est pas instinctif, oui, pour essayer d'analyser. Et puis parce que aussi, t'as des groupes, tu vois, si je prenais l'exemple d'aujourd'hui, plutôt d'hier ou de la semaine où j'ai eu The Covenant, qui était vraiment un groupe si spécial, si particulier, pour moi, je peux pas juste y passer comme ça en coup de vent, en rejetant tout, faut que j'aille un peu plus loin. Parce que j'ai besoin d'aller plus loin pour essayer de voir. C'était un peu comme le cas pour Savatage. Je savais qu'Eric adorait énormément ce groupe, donc j'ai essayé de m'y plonger sérieusement, quoi. Après, il y avait une telle liste d'albums et telle liste de trucs que je me suis forcément un peu perdu. Mais je prends plaisir à aller rechercher ça pour avoir soit quelque chose à dire, ou au moins d'essayer de comprendre ou d'avoir, un petit quelque chose en plus, quoi. Mais là, en intellectualisant, t'as pas l'impression de perdre un peu ce côté plaisir, mais premier degré ? Non, parce que t'as des groupes où tu l'as direct, quoi. Tu vois, c'est ce qu'on disait pour Urne. Urne, c'est tout de suite, c'est direct. Et la question, elle se pose pas. Et t'as souvent des groupes où on le prend en pleine gueule en disant bah, c'est génial, c'est direct. Et là, la question, elle se pose pas. C'est plus souvent qu'en fait, des fois, tu vas tomber. Ou quand un groupe, par exemple, fait des changements dans sa carrière, tu vois, il va changer son style et tout ça. Là, je trouve ça intéressant. Ou, autre parallèle avec hier, quand on prend Last Train, qui a une histoire qui est intéressante et qui rend ça d'un autre truc. Et je vois pas le côté intellectualisé comme une barrière au premier degré ou au ressenti, moi. Je vois ça comme autre chose. C'est-à-dire, c'est soit tu prends le truc que t'aimes direct et t'aimes pas, soit ça va être un style que t'aimes pas et t'as directement un rejet. Mais donc, tu t'arrêtes à ça. Tu vois, et si tu t'arrêtes à ça, t'as rien à dire derrière. Donc ça peut être intéressant d'aller. Faut dire aussi que tu as pas le choix que d'aller pousser pour pouvoir en dire quelque chose. Là où nous, enfin en tout cas je parle pour moi, l'avantage c'est que quand je commence à chercher de la sortie à écouter, si je me lance sur un truc et que je vois que ça me va pas du tout me correspondre, je peux rapidement passer à la suite et oublier ce que j'ai écouté parce que ben, je sais que je vais rien faire autour de ça de base. Toi, vu que c'est des choses qui sont imposées par le cadre de ton média et du festival, forcément t'es aussi obligé d'aller chercher des choses à dire quoi qu'il arrive, même sur des choses que tu n'aimes pas du tout et qui ne te correspondent pas. Et si j'avais par exemple, si je prends l'exemple des interviews quand je les prépare pour le graphe, là pour moi c'est encore un autre exercice où je vais chercher soit des trucs qui n'ont rien à voir, mais je me renseigne assez sur le truc pour. Parce que là en fait, je vais dire que techniquement, les interviews que j'aime ou j'aime pas le groupe, ça compte pas en fait. Tu vois, je fais la même chose avec le Metal Fest 09 dont on est partenaire. En fait, si, même si le groupe je l'aime pas, je vais faire l'effort de l'interviewer parce que c'est le partenariat. Mais en fait, je vais faire en sorte, si je trouve pas grand chose à dire, moi je vais faire en sorte de rester général et puis voilà. Après, il y a un autre point aussi que j'ai pas dit et qui tombe bien, si je prends par exemple l'exemple du Hellfest, c'est que avec pas mal de chance, beaucoup de groupes qui viennent cette année viennent de sortir un album ou le sortent dans les mois, donc je peux quand même agir sur ces nouveautés-là. Ouais, ça peut jouer ça. Mais pour revenir au Metal Fest, t'as aussi un report sur ta chaîne YouTube ou pas sur la chaîne Report Tales of Hell, non? Ouais, je crois qu'on a fait un report dessus avec plein d'interviews de quasiment tous les groupes qui sont passés. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà. Pas mal. Ah non, mais c'est. Faut aller voir. Nico, je trouve que t'as du culot de plugger ta chaîne comme ça. Excuse-moi, je crois que j'ai mis 2 heures à en parler, Eric. c'est culotté, c'est ça qu'il veut dire. Non, mais après, c'est vrai que je pense justement qu'Eric, dans ton média, est-ce que tu intellectualises beaucoup ou tu es justement directement premier degré Non, c'est ça. Puis je vais revenir avec ce que la bagarre disait. Je trouve ça plate de devoir écouter parce que je suis obligé d'écouter. Ça enlève beaucoup de plaisir à l'appréciation de la musique. Et moi, ben, dans ce que moi je fais, c'est j'écoute, par exemple, 5-6 chansons habituellement, les 5-6 premières qui sont sur Spotify. Si j'aime, je dis bon, oui, je voudrais peut-être aller les voir en spectacle. Si j'adore, c'est oui, je veux y aller absolument. Puis si j'aime pas, ben après 3 tunes. Par exemple, Majestica, j'ai écouté. Saloperie, va, dis pas ça. J'ai flashé. Dis pas ça. On a dit pas ce mot. Majestica, on a dit quoi? C'est tête dans le cul d'une dinde. Rappelez-vous. Quoi? Oui, c'est ce que j'avais dit. Mais non, moi, je j'intellectualise pas. C'est est-ce que je pense que je passerai un bon moment? Puis ça, ça devient de plus en plus important. Marc-André m'a fait découvrir ça. On a le droit d'aller voir Electric Callboy et de danser au Hellfest. Et tout de suite après. Excusez-moi. Tout de suite après aller voir une messe satanique et vouloir se couper les bras, mais adorer quand même. Et ensuite aller voir un groupe punk ska à la Warzone. On a le droit. Avoir du plaisir. On a le droit de faire ça. Puis pour moi, c'est ça. C'est est-ce que je pense que j'aurai du plaisir à aller les écouter? Alors, oui, sauf que là où je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, c'est quand tu écoutes que les titres, par exemple, qui sont sur Spotify, parfois, ils sont pas du tout représentatifs du groupe. Du coup, ça peut être c'est représentatif d'une période, d'un moment, mais c'est pas forcément représentatif du groupe. Et surtout, tu peux passer à côté d'un moment où le groupe va proposer complètement autre chose, tu vois. Et c'est... T'as tellement raison. Ah, mais c'est hyper compliqué de creuser tous les groupes tout le temps aussi, faut dire. Putain, c'est mon combat le plus facile que j'ai jamais mené. mais t'as tellement raison. On parlait de sabotage tout à l'heure. Toi, t'as probablement essayé de fouiller, mais t'es pas tombé, je pense, sur les meilleurs morceaux. Mais j'ai passé un peu les cinq premières chansons, c'est ça. Bah, pardon? Je suis passé d'album en album, et après, au bout d'un moment, je savais plus écouter. Je savais plus après. J'ai essayé. Mais je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas toujours les meilleurs morceaux qui sont là. C'est une époque, c'est peu importe. Mais moi, dans mon cas, c'est est-ce que ça me donne le goût d'aller les voir en spectacle? Ouais, non, mais ça, je comprends. Après, mais en fait, je trouve pas ça forcément si. Je trouve pas que la réflexion, elle est au détriment du plaisir d'écouter. Hein. Il y a des fois, c'est pas décoléré pour moi. Il y a juste des fois, tu kiffes direct. Donc la question, elle se pose plus. Tu vas creuser. Des fois, t'as rien du tout. Parce que c'est pas ton style ou autre. Et des fois, tu sens qu'il y a un truc. Enfin, moi, c'est pas le coup. C'est quelque chose. C'est un sentiment que j'ai souvent. C'est je dis, il y a un truc. Soit il y a un truc qui est pas bien et je vais creuser en me disant c'est bizarre. Comme j'ai pu le dire plusieurs fois en étant dans ce groupe-là, je le sens pas. Ils sont fake. J'y crois pas une seconde. Soit il y a un truc en disant putain, il y a un truc, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et c'est là que je trouve ça intéressant d'essayer de creuser ce truc-là. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Mais il est pour moi à aucun moment, il est au détriment du plaisir. C'est pas pareil pour moi. Mais tu vois, Isan, par exemple, que vous avez chroniqué, que j'ai été voir, c'est ça. Tu peux pas prendre les cinq premières chansons sur Spotify, t'auras pas ce qu'il y a à offrir en termes de contenu musical, de création musicale dans sa carrière solo. Fait que c'est vrai que ça peut être très trompeur. Oui. Mais bon, après, comme l'a dit Nico, vrai, c'est vrai que c'est pareil. T'es obligé des fois d'écouter plus parce qu'il faut avoir quelque chose à dire. Et c'est ça qui est la contrainte, quoi. Qui est un peu la contrainte. Mais heureusement, il y a quand même des super groupes, des super découvertes et des super groupes et super découvertes. J'avais pas le troisième, donc je préférerais péter deux fois. Mais bah quoi, je fais ce que je peux, la bagarre. C'est pas facile, hein. Faut être là. C'est pas grave. Mais toi, par exemple, ça t'arrive jamais quand tu prépares un peu tes soirées concerts d'avoir un groupe où tu te dis, ah, y a celui-là, je suis pas méga emballé, j'ai envie de creuser un peu, et pourtant, toi, que ça vienne toucher quelque chose d'autre que directement le j'aime bien, j'aime pas. C'est extrêmement rare que j'aille à une soirée en ayant écouté un groupe. En fait, j'aime bien découvrir les groupes en live. Ah, c'est pas mal aussi. Hein. Sauf que non, mais c'est vrai. Ce qui est une autre façon de découvrir des groupes, parce qu'il y a des groupes sur album qui sont... Ouais, mais elle a raison, des fois tu vas avoir une soirée. Alors le problème c'est que c'est du coup difficile parce que tu peux tomber sur une soirée qui n'a rien à voir avec ce que tu es venu voir. Mais Je sais généralement à peu près ce que je vais voir, mais disons que je ne vais pas dépasser une chanson. Ah ouais? Non. Je ne dépasse pas une chanson au moment où je vais à une soirée. C'est fou. C'est intéressant. Parce que tu vois, moi par exemple, je peux pas aller découvrir un concert. Je rentre pas dans le concert si je connais pas un minimum la musique. Ou en tout cas, j'ai beaucoup de mal. Ouais, mais je comprends. Ce côté-là. T'as jamais été embarqué par un groupe que tu... Oui, pardon, excuse-moi. Je sais plus ce que j'allais dire. Oh, je suis désolé. Il est mal poli. Oui, c'est vrai. Notez que je l'ai pas fait souvent ce soir. Est-ce que t'étais en train de dire oui que toi t'allais voir des groupes sans connaître forcément et Nico il disait moi je peux pas parce que je peux pas rentrer dedans, ce qui est dégueulasse. Oui, mais du coup je sais plus ce que j'allais dire. Non, je suis vraiment désolé, c'était pas quoi qu'est-ce qu'il y a, t'as dit question. Non, quoi, non. Ouais, mais donc Nico, ça t'est jamais arrivé genre d'aller voir un groupe et d'être scotché par une première partie que tu connaissais pas? Ben la plupart du temps je fais en sorte de toujours jeter au moins une oreille à la première partie. Titre, tout ça. D'accord. C'est très très rare que je m'embarque dans un concert sans avoir écouté la première partie aussi. Ah ouais. Donc toi tu fouilles, toi. Tu creuses. Ouais. Ouais, d'accord. Un vrai professionnel. Ah bah c'est là. Puis je dis ça vraiment très honnêtement. Là. C'est pas une blague. Écoute, après c'est aussi moi ma façon de vivre la musique et le concert en live après. Mais ça n'empêche pas que régulièrement j'écoute la première partie, j'aime pas du tout. Je vais sur place, j'aime pas du tout aussi. Et bah, c'est comme ça. C'est ça m'aide. Enfin, connaître les morceaux m'aide pas forcément à aimer derrière la prestation. Mais après, c'est vrai que des fois, c'est mieux de faire ce que tu fais. Parce que des fois, quand je découvre en live, je vais kiffer. Derrière, je vais réécouter. Je vais dire, putain, c'était vraiment bien. Et je vais être frustrée parce que j'ai l'impression de ne pas avoir apprécié comme j'aurais dû réellement apprécier. Ah donc, oui, d'accord. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Des fois, il y a ce petit truc où tu te dis, putain, merde, si j'avais peut-être écouté avant, j'aurais encore plus kiffé. Bah, c'est vrai qu'en plus, t'as des groupes de live. Hein. T'as des groupes qui sont meilleurs en live qu'en album, en plus. Oui. Moi, c'est un exemple ici, là, on le voit pas très bien, là, mais si j'avais écouté ce band-là avant d'aller les voir, je n'aurais pas été les voir. Il y a un refus, on voit pas. Ouais, non. Ouais, ben c'est ça. Le band s'appelle Lung, donc okay. Poumon en anglais. Et c'est un duo, en fait. La chanteuse joue de la contrebasse et il y a un drummer. C'est okay. Mais sur scène, il y a une énergie, le show était extraordinaire. Mais quand je les ai réécoutés sur album, je vais oh. Ah, très ouais. Bon. Donc j'aurais été excessive. J'aurais pas été là pour cette première partie là parce que c'était une première partie. J'aurais fait d'autres choses en attendant le band principal que je voulais aller voir. Fait que ah. Tu vois, c'est des fois ça peut être un arme à double tranchant là, d'écouter à l'avance et de se dire ben, peut-être que ce sera pas bon, mais en fait c'est ouais, c'est vrai que des fois le rendu sur scène est complètement différent. Ouais. Il y a un groupe que justement j'avais vu avec La Violence cette année, c'est Dropout Kings, je crois. Je pense que je les aurais écoutés, je pense, avant. Je ne sais pas si j'y serais allée. Par contre, pour les avoir découverts en live, j'ai surkiffé. Ah, mais c'est pour j'ai ça que surkiffé parce que l'énergie, elle était ouf. Et c'était trop bien. Mais je ne sais pas si de les avoir écoutés avant, ça m'aurait influencé d'aller les voir en live. C'est pour ça que je suis surpris que Nico, ça t'est pas arrivé d'en découvrir comme ça par hasard, même à un début de festival que t'avais pas bien préparé un truc ou que tu le fasses et que pourtant tu dises waouh putain, ça me. Je trouve ça fort quand même. Je peux me retrouver très impressionné par un groupe que j'attendais pas, ou en tout cas pas comme ça, mais où j'assiste quand même au live. Mais ouais, c'est, franchement. Ça m'arrive quasi jamais en fait d'aller me faire laisser surprendre par une première partie ou autre. Je suis toujours en sorte d'écouter. Ok, mais c'est bien. Voilà, mais du coup ouais, je peux pas trop t'argumenter le truc parce que ça m'arrive quasiment jamais. Moi je sais que je me souviens avoir j'essaye de me rappeler. J'avais accompagné un pote voir U2 au Stade de France. En gros, le deal, c'était je t'accompagne voir U2, tu m'accompagnes voir Metallica. Et je me souviens que pendant la première partie, j'avais déjà pas trop écouté U2, donc j'avais pas écouté la première partie. Et pendant qu'on parle, il y a un moment donné, et je me suis arrêté de parler pour me tourner et regarder le groupe. Et ça a été un énorme coup de cœur. Et c'était Bifi Cliro. Et j'ai surkiffé de ouf. Mais je me suis vraiment, littéralement, j'ai arrêté de parler. J'étais limite sur le côté, je regardais pas trop le concert. Parce que je sais plus de ce qui se passait à ce moment-là, mais vraiment, j'étais pas en mode. Et je me suis arrêté, je me suis tourné, j'ai fait what? Et vraiment séché, quoi. Et c'est un sentiment qui est trop bien parce que tu t'y attends pas, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que, comme Tito l'a dit un petit peu, lui pour lui, il y a deux expériences pour lui, le rare plaisir de la découverte et le fait d'avoir bossé. En fait, pour moi, c'est vrai que c'est deux trucs différents parce que je rejoins la bagarre où quand tu découvres comme ça, après, t'es pressé de rentrer chez toi et de réécouter et te dire c'était tellement bien. Ouais, mais derrière, il y a un petit côté frustrant. Bah, c'est pour ça, c'est un entre-deux, mais. Ouais. Après, sûrement que si j'avais écouté un mieux, j'aurais adoré Bifi Cliro et que j'aurais encore plus kiffé le concert d'une autre façon. Mais c'est vrai que c'était une expérience assez dingue sur le moment, je m'en souviens. Alors que U2, et bah, pas tant, hein, moi, ça m'a. Pas tant. Étonnant, ça. Ouais, non, je sais pas. Après, dans mon cas, c'est aussi peut-être lié au nombre de concerts et festivals que je fais dans l'année. J'en fais pas beaucoup. Mmh. Donc en fait, je me donne le temps de les préparer aussi. Mmh. Ouais, c'est très rare que j'arrive à faire deux concerts dans le même mois. par exemple. Bah, faut déjà qu'il y ait deux concerts possibles dans le même mois. Faut déjà qu'il y ait ça. Alors, c'est là où je te refais la pub pour mon média. figure-toi qu'on a un super agenda concert et qu'à l'intérieur, tu retrouves au moins 20 à 30 concerts par semaine dans la région de Toulouse. Donc, qui est pas du tout à côté de chez moi, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, oui, bah ça. Après, je vais pas mentir, je suis aussi assez feignant parce que j'ai beaucoup de mal à me bouger pour aller voir un truc. Faut vraiment que je sois. Faut que toutes les planètes soient alignées. Et étonnamment, dès qu'il y en a deux planètes alignées et qu'il y en a au moins une qui n'est pas alignée, c'est fini pour moi. Donc, je suis pas un très bon élève de ce côté-là. J'en ai beaucoup, beaucoup perdu. Hein. Vraiment, ça, c'est un peu mon regret de ne pas assez me motiver pour ça. Mais c'est peut-être parce que j'écoute trop de trucs à côté pour un petit podcast. Je ne sais pas si vous avez connu. On peut écouter des épisodes. Tu fais du podcast ? Oui, ça m'arrive. Je parle dans un micro avec des amis à moi. Et certains amis parlent même pas dans le micro. De moins en moins, on peut s'en féliciter. Comme quoi, on peut reprocher beaucoup de choses à quelqu'un pendant toute une saison, et la saison d'après, ça commence à payer. Je veux dire, moi, je suis très. T'as même ses amis qui font des petits bruits de bouche, tu sais. Ouais. Il est là et il est dit. Hein. Il est dans le chat, il nous regarde. Hein. des bruits désagréables, une personne problématique, je le rappelle. écoutez, on a fait deux. Bah, là, j'ai 1h55. Est-ce que ce serait pas le moment de faire une petite pub un peu de tout le monde et puis on arrête là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dis ça parce que je commence par le nom média. Je dis ça parce que je vois aussi le temps qui me reste sur ma carte mémoire. Apparemment, j'ai plus tant de temps que ça. Donc, j'en suis arrivé à un point où je suis obligé d'effacer d'anciens épisodes maintenant. Donc, ça devient compliqué. Donc, bah écoute, je t'en prie, la bagarre, parle-nous de ton nom média. Qu'est-ce que c'est donc et qu'est-ce que tu fais ? C'est bien de finir alors qu'on n'a pas commencé par les présentations. J'ai pas dit à aucun moment. J'ai dit qui était là. On est juste parti et à la fin, on le dit. C'est très bien. C'est vrai. C'est très bien. Je suis très très mauvaise pour faire ce genre de choses. La promo, tout ça, c'est pas mon truc. Mais si, tu es Instagram. Demande à Eric comment faire, je crois qu'il maîtrise. Ouais, il maîtrise pas mal. Hein. Tu es sur Instagram. Tu as une page qui s'appelle La Bagarre, sous-titrée La meuf qui vient du sud. C'est ça ? Et dessus, du sud-est du vrai. Oui, voilà. Bon, bah, dis-le alors si tu veux le dire. Et tu fais régulièrement des reports. Ouais, de temps en temps, quand je vais en soirée, je fais des petites vidéos récap de tout ça. Cette soirée. Et puis voilà. C'est très bien monté, c'est très bien fait. Il y a toujours une intro rigolote. Alors, le plus dur à trouver, Je crois que la dernière a plu. Mais non, en général, elles sont toutes bien, tes intros, vraiment. Vraiment. Ouais. Je trouve que c'est. Mais particulièrement la dernière. Ok, bon, bah, la dernière, elle était drôle, voilà. Bon, bah, si tu veux qu'on en. Voilà. par contre, le plus dur, c'est de te retrouver parce que je trouve que la bagarre, ça se trouve pas tout de suite, en fait. Il y a un truc. C'est pas si simple à trouver, je trouve. Hein. Et des fois, c'est sur YouTube aussi que tu les remets, ou tu les remets pas toutes. Non, je remets rien sur YouTube. En fait. Elle a aussi une chaîne YouTube, on nous dit, tu vois, dans le chat. Elle a aussi une chaîne YouTube. Oui, c'est vrai, mais en fait, il n'y a pas grand-chose dessus parce que je la privilégie seulement pour les trucs plus longs. Donc, et comme je ne fais pas vraiment de vidéos longues, donc... Et du coup, d'ailleurs, cette petite expérience, elle t'a pas envie de donner l'envie de développer un peu plus, de parler d'un groupe, de parler d'un album, de parler de trucs ? Je me vois pas rester pendant plus de 20 minutes à parler toute seule, donc moi non plus. Pas forcément. Les 3 minutes. Jack, il pourrait parler toute la nuit tout seul. Jack, il peut le faire sans problème. Moi, toute la nuit, il parle tout seul. J'aurais trop de mal. Eric, t'as pas entendu le dernier épisode, mais hier, à un moment donné, je leur dis venez, on pourrait faire un épisode pour la durée du voyage des gens vers Clisson. On fait un truc qui a pas de limite, qui dure 8 heures, on s'en fout, on dit n'importe quoi. C'est vraiment le genre de truc qui pourrait me chauffer. Moi, je suis un fou, moi. Il y a Tito qui a mis ton Instagram trouvé en 12 secondes. Oui, mais c'était peut-être plus la chaîne YouTube qui est dure à trouver. Donc, dans le chat, on peut retrouver. Donc... Bah ouais, mais parce que sur YouTube, je crois que c'est la bagarre du Sud, parce que la bagarre tout court. Ouais, c'est ça. Il y a un truc un peu. Donc, en tout cas, c'est instagram.com/la-bagarre-. C'est ça ? Il y a plusieurs tirés. Hein. Il y a deux tirés, mais oui, concrètement, c'est. Et on retrouve. C'est un as de pique noir sur un fond blanc. Voilà. C'est ça. Hein. Oui, c'est son... oui, mais les gens n'ont pas le tatouage. C'est... Après, s'il y a un audio, quelqu'un qui écoute, il dit ah bah merde, je peux pas avoir, j'ai pas le tatouage. Ah, mais oui, oui, oui, bah oui, oui, non, c'est un as de pique, effectivement, vous pourrez me reconnaître avec ça. Et des reports à venir là ? Il y a des petites soirées qui s'annoncent ou pas ? Demain, oh, je vais à un concert Black Mamba. Ah ouais ? Ah oui. Et, ah. Ouais, et ah, il passe à Cannes, donc je vais me faire plaisir. Et je tu connais ou pas ? Black Mamba ? Ouais. Oui, bah oui, je connais depuis. Ça fait très longtemps que je connais ça, donc. Ouais, c'est ça. Je connais. Je connais. J'ai fait un câlin au chanteur. J'ai écouté ça, j'avais 14 piges, donc voilà. Ah bah c'est bon. Avec alors... Rising All Star, notre groupe du Sud. Il y a la violence qui a aussi mis la bagarre du Sud sur YouTube. Je rappelle que Jack, voilà, je veux que mon épisode. Ouais, bah là, il y a Max qui me dit qu'il veut son trajet, lui, son épisode pour le trajet jusqu'à Clisson. Très très bien, voilà. très bien, ça marche. Eric, qu'est-ce que c'est au juste que tu fais ? Parce que t'as pas arrêté de glisser 2-3 trucs, mais on n'a pas tout compris. Bon, je peux recommencer. Ouais, donc, oui, on a une chaîne de tourisme festivalier où on vous présente les. Tout ce qu'il y a autour du festival, on vous le fait vivre comme si vous y étiez. Procuration, vous fait vivre le festival de nos yeux. On vous partage les bons coups, les moins bons coups. On vous dit si les shows ont été bons parce que c'est le fun. On met de la musique dedans et ça vous fait vivre ce festival-là. Et on espère que ça va vous donner le goût, si vous n'avez pas pu y aller, ben d'y aller l'année d'après. Donc ça, c'est ce qu'on offre sur notre chaîne aux portes de... Et ben parce que la question viendra, on a deux festivals auxquels on va participer cet été. Ça commence au mois de juin. Ça s'appelle le Festival au Lac. Ouais. C'est un festival punk et métal. Et cette année, leur tête d'affiche, c'est Slaughter to Prevail, qui sera là le samedi. C'est un festival de 3 jours. Ah, et on ira au Ottawa Blues Fest. C'est le festival de 11 jours dont on parlait un petit peu plus tôt. Donc, on va rester en Amérique du Nord cet été encore une fois. Et... On vous voit pas au Hellfest alors? Non, pas ça, non. Malheureusement, pas que ça nous tenterait pas, mais disons que les circonstances font qu'on pourra pas être là. Et du coup, c'est quand ce festival des 11 jours? C'est Le Blues Fest, exactement, c'est au mois de juillet, du 10 au 21 juillet, si je ne me trompe pas. Je fais une vérification rapidement. Et pendant que tu fais ta vérif, on peut retrouver donc sur la chaîne Aux Portes 2 sur YouTube et sur, ça existe aussi en podcast, si je dis pas de bêtises, hein. Ben, en fait, oui, c'est que je retire l'audio du vidéo. Qui sera placé sur Spotify, Apple Podcasts ou peu importe où vous allez trouver vos podcasts préférés, mais également sur la chaîne YouTube. Donc, si vous n'avez pas envie de regarder les images, vous êtes tanné de me voir la face, mais vous pouvez écouter ça en version podcast sur la chaîne YouTube également. Mm. Mais c'est ça. En fait, c'est vraiment la sortie. Même sur Spotify, vous pouvez regarder le vidéo. Ouais, maintenant. Donc, l'idée pour nous, c'est... Ouais, pour nous, c'est pas de faire un podcast, mais sachez que chaque épisode est monté pour qu'il soit facilement écoutable. Ouais. Donc, on va pas faire, si je montre mon tatouage de Das de Pique, ben, je vais le mentionner. Les gens comprennent. Ah oui, un peu plus d'années d'expérience, peut-être. C'est pour ça, tu t'as l'habitude de ce genre de truc. Et en plus, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, comme c'est souvent, quand c'est en anglais ou pas, c'est sous-titré aussi pour les gens qui ont besoin. Oui, toujours. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui préfèrent lire les sous-titres en anglais que de l'écouter en québécois. C'est amusant. Mais... Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Mais oui, on a les sous-titres. Nico, toi de ton côté Moi, donc, le média, c'est Reportals of Hell. Donc le principe, c'est de promouvoir la musique métal française et régionale. Donc pour ça, on a 3 grands axes. Donc comme je disais tout à l'heure, on a un agenda concert sur toute la région Midi-Pyrénées. Donc ça comprend 5 départements, si je ne dis pas de bêtises. 5-6 départements. Donc l'idée, c'est qu'on peut retrouver tous les concerts du Zénith jusqu'au plus petit bar de la région pour tous les styles. Voilà. Merci la violence. Et... Elle met toutes les adresses dans le chat. Ouais, trop efficace. Et après, on a Et la deuxième, et la, on va dire la deuxième grande partie de cette promotion de la musique, c'est il y a des interviews et des reports. Donc là, interview de groupes locaux dans des canapés, interview de groupes moins locaux français directement en visio, et les reports dès qu'on a l'occasion d'aller faire un petit concert à droite à gauche. Et il y a quoi à venir pour l'instant là ? Il y a quoi à venir ? Il y a quoi à venir sur la chaîne ? Voilà, c'est quoi le prochain truc ? Parce que comme t'en as tout le temps. Oui, écoute, si tout va bien, demain sort une interview de Yann, le directeur du Motoc. Ah. Je sais pas encore si on aura fait la miniature, le visuel d'ici là, donc peut-être pas demain. qu'est-ce qu'on a d'autre ? On tourne notre nouvel épisode de Cadap Metal. C'est un projet qu'on a lancé le mois dernier, de se retrouver tranquillou pendant une heure, de préférence avec un invité de la scène locale, pour parler un peu actualité, un peu de ce que fait l'artiste local, voilà. Encore une fois, dans l'idée de promotion. Sinon, il y aura d'autres interviews à venir, quoi. Eh ben, c'est cool. Mmh. Merci à tous les trois. Hein. C'était super. J'ai passé un très bon moment, même si j'ai très très chaud. Et vous, c'est quoi les actualités ? Il va se passer quoi là prochainement ? Pour qui ? Pour toi. Des capsules la semaine prochaine, et après la semaine d'après, il devrait y avoir un épisode, et ensuite de nouveau des capsules. Grosso modo. Tellement par exprès pour pas lui demander, pour qu'il se sente rejeté. Non, mais pour le coup, sachant que techniquement, ça va se retrouver sur, c'est moi qui vais le mettre en ligne en version podcast, y a pas besoin. Les gens, ils savent déjà, ils ont pas besoin d'en rajouter une couche. Pas besoin, c'est pour vous, moi, j'ai pas besoin de tout ça, moi. Non, c'est cadeau, je m'en fous. Moi, je veux que les gens, ils aillent voir ce que vous faites, c'est ça qui m'importe, moi. Ça, y a aucun souci de ce côté-là. Non, mais y a rien de prévu, hein. Pas du tout d'interview de groupe, pas du tout de capsule, pas d'émission. Et le prochain concert, c'est quoi? Techniquement, je crois que le prochain, là, j'ai rien de prévu à part. Hellfest. Non, ça va être le Graff normalement avant. C'est quand ça déjà ? C'est la fin du mois de mai. Ok. Le 29, 30 ou 30, 31, je sais jamais. Qu'est-ce qu'il dit, Tonai ? Je suis en pleine écoute, patron, je suis sur le coup. Ouais. T'as plutôt intérêt à te grouiller parce qu'on a plus rien sous le coude, mec. Faut qu'on se dépêche. du coup, toi, c'est Black Bomba, le prochain. Ouais. Demain soir, Black Bomba. Ça tombe de suite. Ouais, ça arrive. Ouais. Non, moi, j'ai rien à venir. Ça arrivera dans la semaine. Merci beaucoup d'être venu pour ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Peut-être qu'on refera. Peut-être avec un sujet ou pas. Allez savoir. À l'arrache ou pas. Peut-être qu'il y aura un visuel même. Non, je déconne, peut-être pas trop. En tout cas, ça marche bien le système de Discord. Ça, c'est pratique. C'est efficace, je trouve. Ça marche très bien. On arrête là. On se dit au revoir. Une bonne soirée à vous. Puis on se parle deux secondes en off. Après, derrière, on débrief. Comme d'habitude. Merci les gens d'être venus sur le chat. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai pas la fin de cette phrase. Parce que moi j'ai l'habitude, on vous aime, on vous emmerde, mais ça marche pas cette fois. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Hein. Salut les gens. À la prochaine. Salut. Au revoir. La bonne nuit. Et allez voir la chaîne d'Eric. Il dit ça au moment où je coupe lui. Je coupe l'enregistrement à ce niveau-là. C'est